Wesh cousin, c'est MC Tu Kiffes, le rappeur qui casse tout. Et moi j'écoute Actu Solite le lundi soir parce qu'il y a du bon son, t'as vu? Tout le monde écoute Actu Solite. Actu Solite sur Indestar. C'est foué. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Non mais un peu plus d'entrain par t'étais pas en rythme Antoine. Ouais c'est clair, toujours deux secondes en avant, un arrière. Fais mais... ton truc habituel quand on soit habitué. Le quoi? Bah ton avec tu solides, tu Indestar. Mais d'habitude je le dis avant et vous me dites tout bonsoir. Donc là j'ai arrêté tu vois et comme par hasard pour une fois. Faisons-le classiquement même si c'est de la der, vas-y. Bonsoir à tous, vous écoutez Actu Solite sur Indestar de 21h à 23h à peu près. Merci. Voilà, c'est bon, t'es content? On est un petit peu, comment dire, embrigadé. Notre esprit est. On a compris. Tranquille, on se reparle demain. Oui, on se reparle demain, exactement. J'ai un chat dans la gorge. On a du monde ce soir. Oui, on a du monde ce soir. Emiliano qui est avec nous. Vous connaissez la voix de soif d'Emiliano. Bonsoir, Emiliano. Salut, salut. Hey, elle est soif ta voix, Emiliano. Salut, ça. Ouais, exactement. On a Julie aussi qui est ce soir pour la première fois. Salut, Julie. Bonsoir, bonsoir. Et c'est marrant parce qu'elle a une voix plus grave que celle d'Emiliano, Julie. Ouais, grave. C'est presque perturbant. Parce que je suis une fumeuse. C'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'aime les voix graves, tu vois, mais du coup, ce sont des fumeuses, parce que bah forcément, ça influe sur la voix. Il patauge hein, ce soir. Hein. Et Katada. Katada ouais. C'est ça, ok. Et bah bonsoir Katada. Et c'est la première fois aussi, à tous les deux, c'est la première fois que vous faites de la radio tous les deux. Ouais, totalement. Wow. Bravo. Merci. Il faut une première à tout. Et il faut une première à tout, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. On nous sait un peu la 104e fois. C'est la routine. C'est la routine. Mais pas que la routine, parce que c'est vrai que ce soir c'est un peu particulier, Amel. Oui, ce soir c'est la dernière. C'est la dernière d'Actu Solide. Tu vas pleurer, Amélie. Oui, tout à fait. Il y a moyen de regarde, elle est déjà émue là. Alors branchez-vous sur indestar.fr, sur toutes les applis d'écoute en ligne, parce que ce soir il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'enquête, parce que toutes les semaines on a une enquête. Mais alors là, je vous ai réservé une enquête. Oh là là là là. Oh là là là là! Vous allez voyager dans le temps, vous allez faire n'importe quoi, mais voilà, il y a des choses qui vont se passer. Évidemment, on va chanter ce soir, encore peut-être plus que d'habitude. Oh là là là là! Ouais. Est-ce que vous êtes chaud pour chanter ce soir, les amis? Ouais. Non, mais en même temps, n'ayez pas honte de chanter avec nous parce que clairement, on est des brels. Tu parles pour toi? Pas tant que ça. J'avoue que je suis une brêle en chant, j'ai aucun rythme. Ça se voit à ma voix déjà, rien que pour parler déjà c'est pas ouf. Alors pour chanter c'est encore pire. T'as un bon rythme de parole pour parler, mais uniquement pour parler. Non mais elle a le rythme, mais pas le même que la chanson. Oui, oui, je suis d'accord. C'est ça le problème. Bon, moi je t'invente des rythmes. Ça sert à quelque chose. Exactement. Moi je crée moi. Tu crées, ouais, c'est une créatrice au vous allez voir tout à l'heure avec le karaoké que je vais faire avec Antoine. Ouais, on a hâte sous le vent. Ça. Yay. Il se marre. Il se marre d'avance. Non mais tu peux hein, tu peux, t'as le droit. Non mais s'il se marre au pire on peut juste te préparer une petite chanson au pire. De quoi? Comme ça il le chante. Ah, que tu fasses aussi en karaoké. Pourquoi pas. Voilà. Il nous faudrait juste internet. Mais on va trouver. T'inquiète, on va te préparer ça. On n'a pas internet ici. Non mais si, mais bon c'est technique. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Bah t'as une heure à peu près. C'est quoi que t'as dans les mains? Alors si vous êtes sur Twitch, si vous allez sur indestar.fr et que vous cliquez sur le petit bouton violet, vous nous voyez. Et tu as un... Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais non mais... Non, C'est intéressant, t'as acheté ça où? Non, j'ai acheté ça où, ah, merci. Ah, c'est toi qui l'as acheté. À ton avis. J'ai acheté ça à Action. Ah ouais. Genre un petit coup de chaud et chaleur. C'est l'économie, c'est-à-dire Action, ils vendent pas des climatiseurs. Ils vendent pas des rafraîchisseurs. Si, on en vend. Ils vendent des ventilos. C'est vrai. On vend tout. Ils vendent juste des éventails. Bon. Bah, et c'est économique. Écologique aussi, monsieur. C'est la vrai. Terre se porte mal. C'est vrai. Il faut sauver le monde grâce à un éventail. Ça améliore. Tout geste peut être bénéfique. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Ce soir, donc, je le disais, une grosse enquête. Est-ce qu'on commence tout de suite, Amel? J'attends. Ok, musique alors. Musique de suspense. Ce soir, pour cette dernière, j'ai été contacté par Michel Bernard. Vous connaissez Michel Bernard? Non. C'est Michel Berger au pire. C'est bien, t'as des références musicales. Michel Bernard, c'est le plus grand philosophe du village de Châtelard, dans la Creuse. 30 habitants au dernier recensement. Assez normal, c'est la Creuse. Hein. Il m'a envoyé un fax. Normal, pas d'internet, c'est la Creuse. Hein. Il m'a dit, bon, Théo, je suis à la recherche du sens de la vie. Est-ce que les actus solides peuvent m'aider dans cette quête? Oh, j'ai toujours pas trouvé le mien. Alors, ce à quoi j'ai répondu que sûrement pas, mais que vous allez y aller quand même, à la rencontre de Michel, parce qu'il a pas vu de tour en jeu depuis 1987. Ça, c'est normal, parce que chez lui, c'est pas la Touraine, c'est la Creuse. Voilà. Donc, vous allez l'aider. Et pour ça, je vous ai loué une DeLorean DMC-12, donc la même que Retour vers le futur. Et vous allez pouvoir vous en servir pour aller voyager dans le temps à toutes les époques que vous voulez, vous débrouiller. En tous les cas, ramenez-moi le sens de la vie avec vous. Est-ce que ça vous va? Je peux te ramener Tal. Elle a fait une chanson qui s'appelle Le sens de la vie. Sérieusement. Oui. Oh mon dieu. Allez voir Tal, allez voir Tal en live. C'est que du malheur. Voilà. Bon, sinon. J'avais pas pu que ça existait. Moi non plus, j'avais oublié cette référence. Moi aussi. Tu autant Michel Berger, ça passe, mais autant Tal, non, faut pas. On oublie. On oublie, ouais, on oublie vite. Genre, c'est sorti en 2012, en 2013, on oublie. Ah, j'ai la musique en tête maintenant. Non, non, mais faut pas. Tiens, en parlant de musique. On en a peut-être d'autres à chanter, Anaïs. Effectivement, j'en ai préparé. Le chant des migraines. Et un aspirine. C'est fait avec tant d'entrain et d'engouement. J'aurais dit tant de tendresse. Alors, on va jouer au chant des migraines. Je vous explique. Je vais vous proposer un mot. Répète. Et vous allez devoir me chanter une chanson qui contient ce mot-là ou un titre de chanson, mais il faut me chanter la chanson quand même. Ouais. Alors attention, les amis, c'est-à-dire que dès l'instant qu'elle dit le mot, vous vous précipitez à chanter, vous levez pas la main comme à l'école en disant « moi j'ai la chanson », non, vous gueulez. Hein. Et c'est un spécial, chanson pour enfants ou uh-huh. Conti. Ok, vas-y. D'accord, donc on a tous quelque part dû apprendre une de ces chansons à l'école quand on était petit. Ouais, elles sont très connues. Hein. D'accord. À part Jolane, il n'a jamais été à l'école. Donc... Ta gueule. Jolane a fait quand même une moitié de petite section de maternelle. Avant que ça soit trop dur. Bien mieux que rien. Avant que ça soit trop dur, bah oui. Il fallait compter jusqu'à 3 quand même. Hein. Alors. Premier mot ? Ouais. Crocodile. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, crococo, les crocos, les crocodiles. Je me rappelle de la suite, je suis trop vieux pour ça. Qui a le point ? Qui a bah non, 3, on l'a dit à 3, vraiment. C'est vrai. Vous l'aviez pas, les amis ? Non. Les crocodiles, quand même. Non, c'est que les trop jeunes, c'est pour ça. Ouais, j'ai 23 ans, hein, ça va. Hein. Normalement, les crocodiles, c'est intemporel. Lui, il est vieux, oui, je suis d'accord. Ouais, bah, nous, ça va. Oui, c'est un dinosaure. Moi, il n'y avait pas de crocodile. Il a dépassé la trentaine. En plus, il est vert. Ah, les dinonos, les dinonos, les dinosaures. Sur les bords de Nil. Il n'y avait pas de Nil encore. C'est... Ils ont eu une explosion. Alors. Deuxième mot. C'était l'instinct. Je vous propose le mot cacahuète. Oula. Pirouette. Ah ouais, cacahuète. Joué, joué. Il était un petit homme. Bien joué. Voilà, franchement, bah, nous on a des références au moins, les gars, la cacahuète. Oui, bah oui, j'avais pas. Je, enfin, je l'avais, je suis mais. Avec les chansons, même ça. Oui. T'as quoi? Le quoi? On attend. Hein? Non, bah, on attend. On t'attend, oui. Troisième mot, poisson. Petit poisson les petits dans poissons. L'eau nage aussi. Et là, il a, mais il a encore pire de rythme que moi. A... Mais je ne connais pas cette chanson. Mais si, les petits poissons dans l'eau nage, nage, nage, nage, nage, nage. Les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros. C'est là que je me dis que la maternelle est bien loin quand même. Hein. Les petits, les gros nagent bien comme il faut. Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois sur parole. Ouais. Gentil Emiliano. Rassure-moi sur ma trentaine. Quatrième mot. Ouais. Bois. Oula. Ici, putain. Un truc dans les bois là. Prends le loup, ouais, t'as les bois. Mais pourquoi t'as parlé? Il mais oui, t'as elle a dit le mot bois. J'aurais pu le dire, bordel de merde. Désolé. On se calme un petit peu. C'est vrai qu'il y a. Ils sont agressifs ce soir. Ils sont agressifs. Hein. Surtout Amélie, je trouve. Putain, on aurait dû la faire en mode bébé. Ah ouais, genre en putain, mini Nelly. La prochaine fois, la prochaine là, on la chante en mode bébé. D'accord. Lui qui respecte ça, lui qui respecte pas ça, il a pas le point. D'accord, allez, on y va. Allez, c'est parti. Cinquième et dernier mot. Maggie. Grenette. Hein, hein? Pomme de grenette et pomme d'api. Papi, papi, d'air. Pomme de grenette et pomme d'api. Tapi, tapi, gris. Cache tout marteau. Vous l'avez aussi? Mais t'as pas chanté en bébé, il fallait la chanter en bébé. Et ça, c'est une chanson quand j'étais vraiment maternelle. Oui, et c'est ça. J'allais dorer beaucoup. Hein. Ouais. Vraiment. Bah oui, après, tout ce qui fait cette chanson. On le met derrière, un peu de marteau et on lui fait BOM ouais. Aïe, aïe, aïe, ça fait mal. Team pomme de Renette, ouais. Toi-même tu sais. Bon, et ben, c'était des bien belles chansons qui nous ont ramené quelques années en arrière. Hein. Bah, moi, pas tant que ça comparé à toi. Oui, ça va, tu vas pas me la faire. Encore un petit pitch. Bon, vous allez partir à l'aventure dans quelques minutes. Et on va aussi partir quelques années en arrière, dans les années 90. Parce que vous avez regardé les. Ah bah non, vous étiez trop jeune. Dans les années 90, il y avait des jeux télé, tu sais, un peu question pour un champion. Bah ça se connaît maintenant. Non mais avec Julien Lepers. Bah oui, bah ça j'ai connu avec mon avant-mère, regardez ça. Oui, c'est vrai que c'est passionnant. Bref, Julien Lepers, on aime ce type de jeu là et nous on a inventé non pas question pour un champion mais question pour un con-con. Voilà. Mmh. Et la dernière arrive d'ici 3 minutes. On écoute quoi, mon Amel? First to 11. Yes, qui reprend? Bah pourquoi t'as mis un 8, c'est normal. Alors vas-y, lis ce titre. Sky 8R bois. Oh là là là là là là là, mais c'est désopilant. Scale Boy. En fait, c'est du langage texto de l'époque. Le 8, ça fait 8. Ah, c'est pas Scale Boy. He was a Scale Boy. She was a... Non, on n'a pas non pas la même. Mais c'est Avril Lavigne. Voilà quelle scène. C'est Avril Lavigne. Et en fait, le 8, ça fait 8. Donc ça fait Skater Boy. Okay. T'as jamais appris à envoyer des SMS avec un clavier à 3310, toi, hein. Trop jeune. Trop jeune. Bon. Désolé. Donc on écoute une reprise d'Avril Lavigne qui s'appelle Skater Boy et qui est signée First to Eleven. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. On est bien dans ton maillot de bain. On est cool dans sa swimming pool. Avec moi. On est bien dans son maillot de bain. On est cool dans sa swimming pool. On est bien dans son maillot de bain. On est cool dans son swimming pool. T'en as une gueule, toi? Oh yeah. Yeah. Et ce soir, c'est la dernière d'Actu Solide. Oui. Et c'est ce soir, j'espère que vous êtes chaud l'équipe. Ouais, ouais. Chaud bouillant. Ouais, chaud. On a une équipe enflammée. Ouais, exactement. Et vous gueulez un peu quand même. Hein. Mais une équipe réunie au complet finalement, puisque Antoine est là, Jonathan est là, Anaïs est là, Anaïs est là, Théo est là, Théo est là, Amélie est là. On va tous la faire. Tout le monde est là. Et on vous remercie d'être là également sur indestar.fr, bien évidemment, pour cette dernière d'Actu Solide. Ce soir, il y a de l'enjeu, il y a du jeu, il y a des enquêtes, il y a du chant, il y a de la musique. Et il y a de l'humour. Il y a une question pour un concon. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, alors, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour... Question pour un concon. Allez, surtout enrobée. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Antoine, je t'encule. Et toujours, je sais que ça s'appelle de l'inceste entre frères et sœurs. Non, mais j'ai oublié de rajouter dans la liste des arguments de cette soirée, il y a aussi de la vulgarité. Et la preuve en est... Et de l'amour. Tout de suite, c'est que de l'amour, ouais. Alors je tiens à être Vas-y, accouche. Tu tiens à être, c'est déjà pas mal. Tu tiens à être en vie, c'est non, ça Ah oui, je tiens à remercier Henri pour sa... Oh, merci mademoiselle Amélie, oh, vous me touchez. Ça m'en va et droit au cœur. Je sais mademoiselle Amélie, mais vous savez, nous allons partir en vacances ensemble, rassurez-vous. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça va bien. Et ce soir, nous n'avons pas de candidat, vu qu'en fait, on a élu notre concon vendredi de l'année. Oui. Et bah, j'ai décidé ce soir de faire participer, pour une fois, les animateurs. Très bien, eh bien, vous avez tout à fait raison, mademoiselle Amélie. On rappelle que nos concons de l'année étaient... alors, il y avait Brigitte, il y avait Antoine. Et Teddy. Il y avait Teddy également. Bravo à eux. Bravo à nos candidats. Mais ce soir, nous avons encore de nouveaux candidats qui sont les personnes de l'équipe d'Actu Solite. Nous avons Anaïs. Bonsoir. Et nous avons Antoine. Bonsoir. Et nous avons Jolan. Bonsoir. Ah, il est content d'être là, Jolan. Bonsoir, ça ne m'avait pas manqué. Hein. Bonjour. Et moi, je suis pas là. Ah non, tu m'as pas compté. Il y a Théo qui est non. Là. Non. Ah d'accord. Bah après tu peux jouer Théo si tu veux. Non non bah je vais Tu vas s'asseoir dans un coin là. Tu veux jouer ou pas? Est-ce que tu Bah j'aimerais bien jouer. Bon allez tu joues. Note-toi. Je suis gentille. Et Théo, très bien. Eh bien c'est noté. Et à ce soir à gagner bah rien. Parce qu'on a déjà tout fait gagner vendredi. Ah, bon, on peut pas offrir non plus des cadeaux à une équipe de bénévoles. Ça serait abusé. Oui bah oui, déjà on les paye pas. On va pas non plus leur donner des cadeaux quoi. Non, il faut pas abuser. On aurait plus de budget pour nous. On aurait pas de cadeaux pour nous, mademoiselle Amélie. Ça serait dommage. C'est ça. Et bah du coup, vous connaissez l'émission, on va passer directement à la première manche. Ah bon ? Maintenant ! De votre pull ! C'est nul. Alors le principe est simple, je vais vous poser 3 questions et vous aurez 3 propositions de réponse. A vous de me donner la bonne réponse en l'écrivant sur l'ardoise. Et bien sûr, vous jouez pour question pour un concon. Ah, pas loin. Ne critiquez pas, mademoiselle Amélie, attention. Ne critiquez pas. Attention, première question, qu'est-ce que la dysanie? Petit A, difficulté à se lever le matin. Petit B, refuser de grandir. Petit C, semer la zizanie. Tu peux répéter le mot, la zizanie quoi? Qu'est-ce que la dysanie? La dysanie. Nous avons du A, nous avons du C, nous avons du B. Il y a forcément une bonne réponse. Eh bien, il y a forcément la bonne réponse et je pense que c'est la réponse B, personnellement. Eh ben non, c'est la A. C'était la réponse A. C'est la difficulté à se lever le matin. Seule Anaïs avait la bonne réponse, apparemment. Je crois que je l'ai vu sur TikTok. Comme quoi, on en apprend quand même sur TikTok. Attention, deuxième question. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la tour de Pise a servi à quoi? Petit A, un temple. Petit B, une tour d'observation. Ou petit C, des logements. Je trouvais qu'elle était facile. Moi, j'hésite entre la A, B ou C. Elle est con. Alors, parmi les réponses, nous avons du A, du B et du C. Mais décidément, l'équipe d'Actu Solide est dispatchée. Et bah, c'était la B. C'était la B. Bravo à Théo. Il n'y a que Théo qui a répondu B. Oui, bah, je crois bien. Ouais, je crois que j'ai. Il y a que moi. Voilà, c'est bien, Théo. Pour l'instant, tu tiens. Ah, pour bah, non, j'ai qu'un point. Hein. Tu disais. Ouais. Question numéro 3. Qu'est-ce que le verron? Petit A, un insecte. Petit B, un oiseau. Petit C, un poisson. Ah, j'aurais dit une Bugatti. Véron. La Bugatti Véron, ouais. Quelles étaient les 3 propositions? Pouvez-vous répéter, mademoiselle Amélie, s'il vous plaît, pour nos candidats? Petit A, un insecte. Petit B, un oiseau. Petit C, un poisson. Et vous jouez pour la question qu'est-ce qu'un verron? Nous alors, avons du C partout. Du C partout. C'est tout C. Et bah c'est tout C. Et c'était la bonne réponse. C'est ça, c'est un poisson, un petit poisson, un peu qui ressemble à un petit gardon tout mignon, tout petit. Oh, c'est tellement mignon. Ce soir, du coup, qui c'est qui Eh bien, si c'était la dernière question, à ce moment-là, nous passons à la deuxième manche avec Anaïs et Théo. Antoine et Jolan, vous rentrez brocouille à la maison. Mais non, vous nous attendez quand même, vous finissez l'émission avec nous. Mais bien sûr, vous après restez dans le studio, alors. Mais pas dans le studio de questions pour un concon, dans le oui, studio d'Actu Solide. Oui, bah non, ils vont pas Solide. Non plus nous aspirer de nous aspirer ne nous, nous aspirez pas, voilà. Exactement. Et vous passez directement à la deuxième manche. Alors, il ne me reste que 2 candidats, bah, et pour parvenir à la troisième manche, il va falloir buzzer le plus vite possible pour me donner la bonne réponse. C'est bon? Je pense que vous avez tout annoncé, mademoiselle Amélie, sauf une petite remarque sur les buzzers de nos candidats, puisque Anaïs, quel est votre cri préféré? Oh! Ah! D'accord, très bien, c'est votre cri préféré. Théo, quel est votre cri préféré? Juillet! Juillet, vous avez dit Juillet! Oui, c'est ça, bon, Juillet, ok. Juillet. Oh! Okay. Non, non, Oui? À ton prénom? Henri, pardon! Oui, tout à fait. vous avez oublié mon prénom, mademoiselle Amélie? I'm shocking c'est, myself. C'était le. Oh. Oh. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh, refaites-le. Oh. Voilà, parce que vous avez fait. Oh. Oui, c'est pas du tout. C'est un petit peu plus viril. C'est pas du tout ma voix, non mais oh. Attention, question numéro 1. Comment s'appelle. Comment appelle-t-on le bébé baleine? Ah. Oui. Baleineau. Oh, yes, bonne réponse. Comme la Suzuki. Mais on s'en fout, des vous êtes pas sur Starter là, Henri. Hein. Pardon. Starter, c'était lundi et c'est fini. Ça fait un point pour mademoiselle Anaïs, bravo. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la Baleno? Oui, une Suzuki Baleno. Ouais. Faut que je reste à centaine. Oui, on a regardé ton boule pour le faire. Et c'est pas le truc là. Voilà, c'est ça. Il le fait super mal, par contre. Question numéro 2. Comment appelle-t-on la créature légendaire mi-femme, mi-poisson? Ah! Amélie. Une sirène. Oh. Je l'avais. Mais fallait crier aussi. Ça fait 2 points là. Est-ce que je peux rattraper là ou pas? Bah non. Juste non. Oh, mais merde. Bon, pour le plaisir, essaye de pas finir brocouille. Hein. Ouais, bah ouais. Attention, quelle est la capitale de l'Italie? Juillet. Yes, c'était une bonne réponse et c'est un sans faute pour Anaïs ce soir. Et Dieu sait que j'en connais pas beaucoup des capitales. C'est vrai. Elle sait pas où ça se trouve, elle se dit si, ça doit être au nord. Non, c'est au sud. En fait, c'est à l'ouest. Non, ça va, je sais où c'est ça, l'Italie. Normalement, vous êtes à l'ouest, tout court. Mais bon, là, bravo, bravo. Et Théo, par contre, vous rentrez brocouille à la maison. Malheureusement, Théo, vous n'avez pas cartonné ce soir. Ça nous en fera deux. Effectivement, j'ai pas cartonné, j'en suis désolé. Et Anaïs, pour gagner ce cadeau qui n'est pas à gagner, tu as la troisième manche. Allez, dernière ligne droite pour gagner rien. Pour cela, je te déposais une charade et à toi de deviner le mot qui se cache derrière. Et tu auras 30 secondes. Et nous jouons pour question pour un con-con. C'était parfaitement. Merci. Dans le temps, dans le rythme, mademoiselle Amélie. Bravo. Même applaudissez ça... mademoiselle Amélie, s'il vous plaît. Ouais. Non, t'étais en retard. Eh bah tout de même. Et là, j'ai pris une charade particulièrement facile parce que je me suis dit, on va finir sur une bonne note. Bon, non, ou on fallait pas. Hein. Ouais, peut-être pas, vu que c'est Anaïs. Attention, 30 secondes. Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches. Mon deuxième est le contraire de oui. Tout le monde en possède. Oh, je l'ai. Moi aussi. Mon prénom... Ah, elle l'a dit. Oh, elle est con, mais... Le prénom, effectivement. Ah, la débile. Même pour la dernière. Mais ça, j'ai réussi, je suis contente. C'est vrai que c'est la première gaffe, en plus. Non, c'est pas la première fois. C'est la première fois que je donne la c'est vrai. Bon, bah. Mais moi, j'avais la ferme. Attends, t'es sérieuse? On met pas de vache dans une ferme? Donc, ferme non. Ferme non. T'avais ferme non. J'avais le nom. Ouais, okay. Mais je comprenais pas le. Bah non, c'est un peu ça. Mais en plus, je suis dégoûtée parce qu'en fait, du coup, vu que ça commence dans mon premier, j'ai dit dans mon prénom. Oui. Tu vois, vu que ça commence par prêt. T'en as pas une jeune charade au pire? Bah si, je voulais. Allez, une autre charade. Allez, on fait une autre charade. Allez, chouette. Ok. Attends, je remets. Mon premier est le mâle de loi. Mon deuxième est un petit cervidé. Hein? Mon tout est un endroit où poussent les légumes. Jardin. Bah oui. Un jardin, ça fait un jardin. Ouais. Elle a gagné. Moi, je l'applaudissais pour une dernière. On applaudit mademoiselle Amélie. Ouais. Et on applaudit Henri, s'il vous plaît. Ouais. Oh, merci, c'est un honneur. Ah bah, je vous en prie, quant à nous, Henri, se retrouvera en vacances. Ah, eh bien, on se retrouve en vacances, et évidemment, et je tiens à vous dire que j'ai passé une saison très agréable en votre compagnie, mademoiselle Amélie. Vous êtes la meilleure, vous êtes la plus belle, vous êtes un petit peu la déesse de cette émission. Ah, merci. Attends, il a dit un petit peu. Mais on va en discuter tout à l'heure, Henri, parce que là, on va faire passer une musique, tu vois, pour qu'on puisse parler. Tout à fait. Donc là, comme tu entends, là, c'est Nina Attal. J'adore cette musique. Juste après, le Juricto Verso, trouver sens de notre vie, de la vie. Actu Solite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Hey, interview in English. Ok. Yeah, I am okay. J'ai mélangé. It's a great song, a country song, on the pop song and the rock song. Yes, I have a saladier. I do to you. Pop, the new song. Ça fait yes. Actu Solite. Tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. On a la recette. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Anna! Joyeux anniversaire! Oui, mesdames, messieurs, ce sont les 35 ans d'Anna Free. Aujourd'hui, voilà. Écoute, info supplémentaire, info artiste, info Indestar, c'est là où tout commence et les artistes émergents, vous les entendez toute la journée et Anna Free en fait partie. C'est ça, donc nous souhaitons un joyeux anniversaire. Et c'est gentil. Mais par contre, on n'aura pas de cadeau parce qu'on est que bénévole. Et on n'a pas de sous. On n'a pas de thunes, voilà. Et comment dit-on bon anniversaire en portugais? Je l'ai su. Je te mets une colle ou pas là? Ah ouais, je l'ai su. Et c'est pas hyper difficile en vrai, mais j'ai oublié. Ok, bon. Mais tu le sais pas? Mais non, mais je vous le dirai à la prochaine musique. Mais non, mais l'autre couillon là-bas. Ah, moi non, je sais plus, je parle pas portugais donc. Quoi? Tu parles pas. Mais tu. C'est génial! Mais tu parles quelle langue? C'est un sketch normal ça. Bref. Ah, d'accord. Okay. Sur les bilans. Je fais pas la ref. Mais... Ouais. Faut avoir des références YouTube. Ce soir, les amis, l'heure est grave. Parce que c'est la dernière de. Parce que c'est la dernière! Je te l'ai envoyé jusqu'au bout de la France. Juste une fois, c'est la dernière! Bah, le soleil! Bon, c'est la dernière d'Actu Solite et vous avez ce soir. C'est ce que je veux. Amel, vous avez ce soir une grande mission qui est de trouver le sens de la vie. Tal. Toujours pas. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'en. Oh non, vous avez pas toute la fête. Non, on va chanter tout à l'heure. Le sens de la vie que je mène et je l'ai. C'est bon. Alors. C'est une évidence. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. On chantera tout à l'heure pour le karaoké, ne tease pas trop. Pour l'instant, jouons. Et je compte sur vous pour trouver le sens de la vie quelque part ce soir. C'est... Qu'est-ce qu'elle avait nous fait là, avec son Google. Je sais pas ce qu'elle fait avec du Google Traduction là. Allez Amel, c'est parti, prends. Feliz aniversario. Non, c'est pas ça. En portugais, c'est Feliz aniversario. Non. C'est italien que... ça. Non, c'est mais pas c'est ça. Mais c'est Google Traduction. Ouais, bah Google Traduction, c'est de la merde. Bah peut-être qu'il dit des trucs. C'est, voilà. C'est Feliz non, mais quelque chose. Non, mais peut-être qu'il y a différentes manières de le dire. Ouais, certaines. Feliz Solidad. Enfin bref, si tu le dis. Feliz Solidal ? Non, j'en sais rien. C'est peut-être un truc du genre. Ouais, je pense qu'on n'y est pas loin. Mm. Et bah, nous, on va partir. Dans la. De le futur mobile. Quoi ? Dans la quoi ? Dans la quoi ? Dans la voiture. Du la futur DeLorean, la fameuse DeLorean de Retour vers le futur. Vous la prenez, vous retournez dans le passé. Retour vers le passé. C'est parti ! Retour vers le passé. Ça, ça fait marrer, ça, par contre. Ah, mais putain de ta mère, on l'ouvre comment là ? Sa caisse là, Théo ? C'est des porte-papillons. Par contre, il y a que deux places. On va être serré avec les cyclos entre d'Amélie. Mais je t'emmerde, toi. Au pire, t'es pas content, tu dégages en fait. Et en fait, t'es pas si petit, hein. C'est comme le Tardis. C'est plus grand à l'intérieur, un peu comme la Twingo. On va où, Anaïs, là ? Bah, moi, je pensais qu'on pouvait aller au tout début, genre à la préhistoire. Ok. C'est en combien ? À peu près moins 3 millions, ça devrait le faire. Let's go. On va croiser plein de petits Théo. Bonjour. Oh la vache, c'est trop vide ici. Regarde, il y a un petit bonhomme poilu là-bas. Bonjour monsieur, comment vous je vous appelez pas vu. Non, c'est pas moi. Pierre. Ah, Pierre. Bah, je crois qu'on a l'âge de Pierre. Ça marche à DeLorean. Bienvenue chez les Touloulous. Vous êtes pile poil à l'heure pour venir manger le mammouth avec nous et jouer au Mistoflo. En plus, c'est la fête ce soir parce que Pierre, il a réussi à faire du feu. Il m'a dit... De la pierre qu'elle a utilisée un petit peu, c'est un silex. Un silex. Et par contre, ne tuez pas Antoine, hein. Ouais. C'est un mammouth d'une espèce rare. Ouais. Ah d'accord. Pas à ne tuer. Il s'appelle Antoine. Ouais. Ah, c'est original. Antoine. Et Pierre, t'entends, il s'appelle Antoine. Il s'appelle tout Pierre là-dedans. Pierre. Et l'âge de Pierre. Pierre. Il s'appelle Antoine. Oh là là. Bon, venez vous installer. On va manger un intestin de mammouth. C'est le meilleur morceau. Vous connaissez la règle du mistouflant ? Non. Non. Oh, mais c'est dommage. Il y avait du flan. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui connaît pas la règle du mistouflant. Même le peuple des crânes rasés dans la vallée de Malhabillé connaît. Bon, alors je vous explique. C'est très simple. Je vous donne une syllabe. Vous devez me donner un mot qui commence par cette syllabe dans les 5 secondes. D'accord. Sinon, okay. Vous êtes éliminé. Et si vous êtes éliminé avant le 3e tour, c'est perdu. Ok. Nananana. Allez, on commence par le grand dadé là. Attention. Muse. Je sais pas. C'est perdu. Il y avait Museau. Attends, mais il y avait Museau, il y avait Musique, Musaraigne et tout ça. Bah oui, évidemment. Alors, à vous le petit gros là. Mammouth. Mal. Malédiction. Oui, pourquoi pas. Papa. À vous la petite. Terre. Terrarium. Un terrarium, ça sert à quoi ça? Un terrarier. Ça n'existe pas un terrarium. Si ça existe un terrarium. Bah non. C'est pour les lézards. Terrasse. C'est pas mieux. Quoi? On a la préhistoire, on a l'âge de pierre là. Eh ben. Ils connaissent pas ces mots là. Mais ça veut rien dire. Pierre, elle a dit une terrasse. N'importe quoi. Vas-y, ça marche dans mon monde à moi, ça marche. Genre dans ton monde à toi, tu viens en quelle année? Un très grand année. Hein. Oui. Oh. Allez, à toi. Dire. Ah ouais, dire, ça marche. Sinon, il y avait un dinosaure, par exemple, c'est ceux qui vivaient avant nous. Avec le Big Bang. Allez, toi t'es éliminé. J'avais compris. À toi! Mule! Mur? Une mule! Ah bah je l'ai dit! Ah bah j'en fais un autre! Tor! Tornade? Oui! Ah, une tornade! Mmh. Ah, ça me stresse! Moi aussi! Il y avait tordu, il y avait taureau, il y avait tout ça! Vas-y Pierre! À toi! Château! Château! Château! Ça veut dire quoi ça? Lâche de pierre. Mais toi, il y avait un devant des châteaux. Un chat, tout court, un chat. Un chat, bah oui. Une chasse. La chasse. La chasse. Elle connaît la chasse. Elle invente que des mots qui n'existent pas. Tu me fais pas avec sa feuille. À toi. Si. Ciré. Si. C'est quoi? Une chaussure. Une quoi? Une civière. Cimetière. Une civière. Cimetière. Une civière. Un cimetière. Mais vous... Oh, n'importe quoi. Mais ça existe, des cimetières avant. Un cimetière. Mais non, ça n'existe pas. On en fait un autre. Riz. Au lit. Bah, du riz. Rigoler. Du riz, ça marche, mais il y avait rivière. Rigoler. Rivière. Rigoler. Une rivière, exactement. Rigoler. Allez, un troisième tour. Attention, là, c'est gagné si vous gagnez. Si. Te plaît. Si. Tron. Ça, je l'ai pas su. Mais il vient de te le dire, citron. Citron. Citron, oui, ça marche. On triche pas, sinon. Il y avait un signe ou sixième, ou je sais pas, moi. Allez, mu. Zik. Musique, oui. Il y avait une mule aussi. On l'a eu tout à l'heure. Saut. Piqué. Sol. Sol, oui. Soleil. Oui, soleil aussi, ça marchait. Allez, juste pour le fun, on en fait un autre. Allez, s'il te plaît. Vas-y. Ok, dent. Ton cul. Ah, une dent. Mais arrête de faire juste une syllabe, ça compte pas. Dentition. C'est trop de la triche. Dentition. Danser, ouais, ok, à toi. C'est pas parce que t'as des problèmes de carie. Santé. La santé. C'est important, la santé. Et moi, j'ai un grand-père, il a vécu jusqu'à trop trop longtemps. Il avait au moins 36 ans. Ah, ça m'étonne pas. Wow. Oui, c'est trop bien. Théo va bientôt crever. À toi, fais la maline. Moi. Tiens. Moitié, ok. Moisir. Allez, on en fait un autre pour le grand dadé parce qu'il a pas trop joué. Les. Tiens. Ton. Les tons. Les tu. Laissez-lui faire un mot. Je sais pas, les. J'ai dit qu'il fallait pas dire que une syllabe. Ah oui, c'est vrai. Elle était rééliminée. Mais ça marche pas. Mais il y avait légumes, il y avait lézards. Lézards. Il y en avait plein. Il y avait les tu. Les tons. Les tons. C'est toi le laiton. Les tons, bah si, c'est du métal. Attends, on connaît. Hey. T'as vu? Ah bon! Il l'emmène à la déchetterie tous les dimanches. Des laitons, bah, à la quoi? Bon, c'était chouette hein, quand même, hein? Ouais, nickel. Il n'y en a pas d'autres? Vous voyez... Non, si. Mais non, j'ai, si. J'ai envie de jouer avec d'autres personnes, finalement. Vous voyez, pour nous, c'est ça la vie. En fait, c'est le partage! On partage des jeux, on partage des bons moments, on partage des mots, on pourrait même partager nos corps. Non, ça a déjà fait, ça. Tiens, l'idée de créer la première boîte échangiste me trône dans la tête. Mais j'attends qu'on invente l'argent pour pouvoir construire ça. Bon, enfin, bref, prenez soin de vous, hein, voyageurs du futur. Merci. Bisous, les amis. Bisous, Pierre. Bisous. Hey, Pierre, bisous, Pierre. Ah, Pierre. C'était un sacré phénomène, hein, ce Pierre, quand même. Il était sympa. Sacré Pierre. Sacré Pierre et Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais quand même. Vous avez fini ou pas? Bah oui. J'ai eu un doute. Donc on a déjà un premier mot qui est partage. Ah, le partage. Et si vous voulez participer une dernière fois avec nous? Exactement, si vous voulez partager un moment d'émission avec nous. Attends, faut que je rote. De la dernière émission. Ouais. Appelez-nous au 06 dans 09. Appelez-la au 06 06 41 ouais, 72 24 32 28. T'en as un chiffre. Si quelqu'un nous appelle, je vous jure, je vous balance le numéro d'Anaïs en exclusivité. 09 70 407 306. Voilà, ça c'est le bon numéro du standard. Et on est à l'affût. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et on vous attend pour cette dernière soirée enflammée de Indestar. Dans un instant, on va chanter pour le générique de tout en faire toute une Anaïs. Nanaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Mais avant, on écoute le triple. Triple MMM, every breath, every breath you take, every breath you make, and an onion flake, and an onion break, and an onion break. Sur une fais, fais le every breath you take, je fais le pouf, d'accord okay. Every breath you take, every breath you take. Actu solide. Le défouloir d'Indestar, c'est ça. Ouais, bien ou bien. Bien. Et on est carré ce soir. RPZ représente Actu Solite, ici on est là. Le rap, ça me connaît. À côté, Big Flo et Oli. C'est pas ils peuvent aller se coucher. Actu Solite, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Ah, qu'est-ce qu'on est drôle, qu'est-ce qu'on était drôle. Ouh, ça, ça sent le dernier jingle de En faire toute une Anaïs sur Actu Solite, Indestar. Oui, parce que moi, j'ai de la réverb. Moi, j'en ai pas. Et moi, je sais pas. Je sais pas non plus. Ça fait exprès. C'est normal. Vas-y, gros. Écoutez ça. On n'entend rien. Ah, pas mal. Chut. Je suis un petit peu à White Stripes. Attendez. Seven Nation Army. Ouais, c'est le faire au piano. Elle est pas très accordée, non? Non, oh, ça va, c'est moi qui suis pas accordée. Non, mais le rythme est bien. Ouais. C'est vrai que le rythme, ça va. Ok, allez, toute une nana. Version live, version classique, hein, j'ai envie de dire, celui que vous pouvez entendre à la radio juste ici. Et en live, et maintenant, écoutez bien, c'est la dernière, c'est toute une Anaïs. C'est parti. Le mercredi soir, j'écoute Indestar, mon petit grain de maïs. Ah non. Je vais te buter si tu dis ce que je pense. Je la refais. En bambine. C'est le souci du live, hein, Théo. C'est ça, il faut toujours. On attend. Non, non, mais j'étais en train de me dire, c'est quoi normalement que je dois dire? Le boudin de réglisse. Ah oui, c'est ce que je te. Le je mercredi soir, j'écoute Indestar, mon boudin de réglisse. Toi, à la fin d'émission, c'est bien Anaïs. Mais oh, tu vas pas en faire. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Je te sens un petit peu vexé, Anaïs. Je veux mon grain de maïs. Antoine, fais ton. Attends, on peut recommencer? Tu reprends, bah tu sais, genre tu refais un peu plus vite. Oui. Antoine, il fait le. D'accord, très parti. Bien. Et puis je vais te faire plaisir, Anaïs, parce que tu es mon petit bras, Anaïs. Tu fais un signe. Juste pour cet épisode. Le mercredi soir, j'écoute Indestar, mon petit brin de maïs. C'est toi, Anaïs. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Avec moi, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, encore pas, toute une nana. Toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Tout un boudin de réglisse. Retrouvez-moi en live, évidemment, lors de ma tournée européenne, américaine et australienne, à partir du 24 février jusqu'au 16 août, évidemment. Moi, j'ai cru qu'Antoine allait crever. Oui, moi, c'est possible. Il était à deux doigts. Ouais. Putain, je suis obligé de faire son boulot. Ah là là là, quelle belle musique, quel bel entrain pour une si belle rubrique. Ouais, parce qu'une belle meuf. L'autre qui dit ça, quoi. Crois pas que t'es canon non plus. C'est un réglisse, ça, tout. Parle pas comme ça, alors... mon petit brin de maïs. Merci, Théo. Sinon, elle va alors... s'énerver, et quand elle s'énerve, elle chauffe et appétit popcorn. Ah, ça ne va plus quand elle s'énerve, ça ne va plus. Je peux te dire. Alors, je vais vous proposer trois expressions. Ok. Donc, soit vous allez devoir me deviner la suite de l'expression, soit le sens de l'expression. Ok. Mais aujourd'hui, c'est que la suite. D'accord. Ok. C'est bien, ça rappelle un petit peu les consignes à la Jolane, ça. Elle avait juste à dire, ce soir, je vous fais trois explications. Bah, je vous dis non. C'est... Allez, c'est parti. Première expression, pomper le... Don d'art. Je suis la vie de Kamel. Pomper le vélo, hein. Le dard. Pomper l'air. Le dard. Oui. Bah oui. Bah oui, ça se dit. Ça veut dire tu m'énerves un petit peu. Tu pompes l'air. Non, ça veut tout simplement dire. Je fais vraiment. Pomper le zigoui. D'accord. Ah, t'es pas là, j'ai l'air pompé de ce gag, moi. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Fumer la pipe à moustache. Le dard. C'est le cigare à moustache, pas la pipe à moustache. Voilà, donc rapport à l'abeille. Oui. Évidemment. Ou la guêpe. Hein, Ou la guêpe. Ou le bourdon. Ça pique plus. Deuxième expression. J'ai pris que des faciles. Hein. Se coucher avec les oiseaux, tortues, les poules. Mais oui, les poules. Les poules. Les poules. Se coucher à l'heure des poules, non? C'est à l'heure des poules. Non, se coucher avec les. Non, c'est à l'heure des poules. On s'en fout, c'est la même. Bah non. Tu vas pas nous jouer à la Jolane, toi. Mais quoi? Attends, on va demander à Google. Moi, je dis ce que Google me dit. Se coucher à l'heure des. Mais non, se coucher avec les poules, mais. Il est très long. Faites de beaux rêves, que votre nuit soit douce. Voilà. Que ça mignon. Donc ça veut dire que ça marche. Se coucher à l'heure des. Cacaleco. Troisième expression. Il ne tourne pas rond. Personne ne l'entend. Facile, ça. Ne tourne pas rond. C'est autour de moi. Non, tu fais un rond. Et pas tout autour de tes bagnoles. Richoutchou et vend des patignoles. Les murmures de la ville au vent ton téléphone. Wouah! Y'a de ta faute si j'aime encore que ça. Oh, je préfère ça. Et t'aimes encore que ça. Car c'est vraiment toi. Non, rien d'autre que toi. Non, rien d'autre que toi. Que toi. Que toi. Non, rien d'autre que toi. Voilà, vous avez vu que tout est prétexte à chanter dans cette émission. Exactement, je me suis dit c'est la dernière, expression facile. Bah là c'était plus que facile quand même, c'était je vous donne c'était facile. Ultra facile. Là. Ouais, flemme de bosser aussi. Ok. Et bah on va voir si avec moi ce sera un peu plus difficile pour oui, le Dico Dingo. Dico Dingo. Dico Dingo. C'est le Dico Dingo. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Waf waf. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Waf waf. C'est le Dico, Dico Dingo. Dingo. Dingo! Dingo! Dingo! Dingo! Le Dico Dingo! Long. C'est long! C'est long. Alors, je vous donne un mot. C'est très et long. Vous devez me trouver la définition du mot. Ok. Plus c'est long, plus c'est bon. Le premier mot, chasse-marée. Comment? Chasse-marée. Ah, c'est tu vois, chasse en marée. C'est la marée. C'est genre un chasse-marée. Oh, ah, chasse-marée. Pas noté qu'il chasse-marée. Chasse-marée beaucoup là-bas en chasse-marée. C'est pas ça. C'est les gars. C'est du patois. C'est pas un outil Un chasse-marée? Non. Ah ouais, ouais tu... je vois pas ça. C'est pas un bateau. Tu repousses la mer. Voilà. Ah. Avec ta petite pelle. C'est pas un bateau de pêche? Non. Non. Ça est-ce pourrait. Que ça a un rapport avec la chasse? Est-ce non. que ça a un rapport avec la marée? Ça avec... peut faire venir. Ça peut faire par rapport à la mer. Ah ouais, ça peut faire par. Est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce que les est-ce vagues. Que c'est, sont... un c'est un poisson? Non. Non. Est-ce que c'est un outil? Non. Bah, elle l'a dit déjà. Non. Ah, premier indice, transport. Bah, c'est un bateau. Bah, c'est un bateau. Non. Est-ce que c'est un ski? C'est une chaloupe. Un jet ski. Non. Un jet ski. Non. Un jet ski. Non. Mais... un jet ski. Non. Un surf. Un jet ski. Bah, non. Non. Un jet ski. Non, là c'est lourd. La merde. Un voile, un voilier. Un bateau à voile. Non, on a dit que c'était pas un bateau. Bah oui, mais il faut trouver un nom. Et un sous-marin. Non. Un parachute là. Il faut le permis pour le conduire. Permis quoi? Permis quoi? Eh ben un avion? Permis bateau? Permis voiture? Fais... bah, je vais pas te le dire. Un permis de quelque chose pour aller sur l'eau? Non. Bah si. Non. Dans l'air? Bah non, on a dit non. Bah, permis, s'il faut le permis, bah jet ski, c'est non. Mais non, mais. En tout cas, gars, je vous ai déjà donné tous mes trucs là. Marin, mince. Transport, permis. Je vois pas. Attends, les marins, ils ont. Pas le permis de pêche? Qu'est-ce qu'ils ont à part non. des bateaux, les marins? Un filet de pêche. Mais en fait, c'est une voiture qui transportait le poisson de mer. Hein? Hein ah ça existe vraiment. Un chasse-marée, c'est une voiture qui transporte le poisson de mer. Non, pour qui transportait, donc je pense que ça n'existe plus. D'accord. Ah, bah c'est pour ça qu'il y a plus de chasse-marée. Il y a des pick-up c'est maintenant. Quelle époque? Deuxième mot, embouche. Ah bah, ça t'embouche un coin. On l'a embouche ah, quoi. Pas expression, Alice. Non. C'est pas une expression ça, on l'a embouche. Non, ça t'embouche un coin. Ah, ça ah oui, non, mais elle a pas dit embouche un coin. Est-ce que c'est quelque chose qui est bouché? Non. Ça t'embouche. C'est quoi l'expression? C'est embouche? C'est un mot déjà. Et c'est en bouche. En bouche, en un seul mot. Est-ce que c'est quand tu goûtes quelque chose? En vrai, dans la restauration, ça veut dire. Ça veut dire quoi dans la restauration? Bah, ça veut dire que tu mets en bouche. Oui, voilà, non mais. Tu la dégustation. Non, là, c'est en un seul c'est mot. La dégustation. Non, une embouchure, par exemple. Une embouchure, ça débouche sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? En bouche, ça veut dire que ça. C'est le contraire de débouche. Bah oui. Non mais tu vois. J'ai bien ta façon de penser. Non mais imagine, t'as un canal, ça débouche sur un grand truc. Donc ça là, débouche sur une embouchure. Là, ça embouche. Ça veut dire que tu arrives dans un truc plus petit que quand ça débouche. C'est ça? T'es en train de t'enfoncer là. D'accord, mais non, mais j'essaye de d'imaginer. Premier indice, animaux. Oula. Donc déjà, c'est un animal. C'est un poisson. Pas forcément un animal. C'est dans, il y a le contexte du restaurant, t'as dit hein. Non. Non, y a non, pas c'est, non, c'est moi qui non, c'est nous qui avons dit ça. Deuxième indice, endroit. Un endroit. Est-ce que c'est là où c'est les animaux ils font pipi caca? Et bah là, non, mais c'est l'endroit où l'eau prend sa source. Non. Il nous fait chier avec sa source. Elle est à la source. Elle embouche. Troisième indice, alimentation. Donc vous allez animaux, endroit, alimentation. Vous voilà. Endroit, alimentation. J'ai tout dit là. Attends, c'est une forêt. Animaux, les animaux, endroit, alimentation. Et ben c'est de la viande, c'est un gibier. Non. C'est l'endroit où les animaux mangent. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ah. C'est une prairie très fertile dont l'herbe consommée sur place engraisse les bestiaux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Moi j'ai pas entendu. Hein. Quand t'as parlé d'animaux et de deuxième mot, c'était quoi le deuxième mot? Endroit. Et ben j'ai dit c'est là où les animaux ils mangent. Bah oui, mais c'est là où les animaux ils mangent. Ils mangent où les animaux? Bah dans cet endroit là. Les animaux ils peuvent manger partout. Mais ça compte pas ça. Bah ils mangent dans une embouche. Donc y'a pas pour moi. Moi mes chiens ils mangent dans mon salon. Et t'as dit quoi toi? Moi j'ai dit c'est là où les animaux ils mangent. Et bah c'est ça que j'aime. C'est l'endroit. C'est plus précis. C'était plus précis parce qu'il l'a dit avec une voix plus suave. C'est une voix plus virile. Et parce que moi je t'écoutais, toi je t'écoutais pas. C'est ce que j'ai dit. Troisième mot. On t'écoutait pas, ça marche pas. Frip lip. Comment? Frip lip. C'est comme un backflip. C'est comme une friperie. Une friperie. Non, c'est comme un. C'est un magasin? Un food truck. Non, tu vois, tu penses à un magasin, un commerce. Non. C'est comme un food truck. Frip lip. Toi, ouais, réponds même pas à ma question. Ah, c'est non, c'est pas un food truck. Non, c'est pas un food truck. Est-ce que c'est pas genre tu fais un backflip, mais avec des frites? C'est un backflip qui est loupé, tu sais. Un backflip. Là, tu m'as dit un frip lip. Premier indice, glouton. Glouton. Glouton. Glouton. Glouton. Ah, c'est quelqu'un qui fait que de tu bouffer. Tu vois, non, mais on mange. Glou. C'est une sandwicherie. Non, mais pourquoi tu vas à un endroit, toi? Bah, je sais pas. C'était tout à l'heure, ça, à l'endroit. C'est juste un terme familier pour dire gourmand. Ah bon? Ah bon? Frites lip. Ouais. C'est hyper difficile à dire. Et donc, t'es frites lip, toi, ce soir? C'est pas français, c'est pas français. C'est pas une fois. C'est pas toi, non? C'est quoi ce truc? Moi, je préfère quoi, dire que t'es gourmand. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas elle. Il me dit c'est pas toi. Je dis bah non c'est pas moi. Mais en fait, il parlait de la langue pas toi. Mais oui, je me suis mal exprimé, pardon. Il me regarde, il me dit mais c'est pas toi, mais non, c'est moi. Oui, en fait, il a dit sur une intonation genre oui, non. Bah, c'est pas toi. Bah non, c'est pas moi. Oh là là, il y a des quiproquos dans cette émission. On est tous un peu cons, hein. Mais au final, on va vous montrer nos talents d'artiste ce soir. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté en live. On va chanter. Est-ce que je peux dire ce qu'on va écouter? Oui. Avant, des vrais artistes. Mais bien sûr, on est un vrai artiste, une vraie artiste avant de chanter avec on des faux artistes. On va écouter une cover de Sarah H. Ouais. Et c'est je t'aime. C'est peut-être troisième fan. Francis Cabrel. C'est Francis Cabrel, c'est le sudo. Ah, j'ai dit ça au pif. Pas cher. Mais si, c'est vrai, c'est la vérité. Je suis bonne. C'est la vérité vraie. Je suis bonne. Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Ça fait popo. On a à peine entendu le single, clairement. Ah, on le remet. Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Yes, on nos amis pour la vie. Ce soir, pour mon kiff personnel, pour entraîner ma voix pour ce karaoké, avec Antoine, on a décidé de vous faire une surprise. On va vous compter de 1 à 10 en rotant. Ça, c'est ton entraînement vocal. Je voulais faire l'alphabet vendredi, mais on a oublié. C'était un petit peu long. Mais là, on a essayé l'alphabet, ça faisait un peu long. C'est une surprise? Parce que bon, la surprise, elle peut être bonne aussi. Tu commences? Vas-y. Ok. 1, 2, 3, 4. Ah, attends. 5. C'est nul. C'est nul, franchement, c'est nul. Attends. Allez. 6, 7, 8, 9. 10. Voilà. Yes. C'est fini là, peut-être. Oui, je disais oui. C'était jusqu'à 10. Ah, ok. C'était donc, ça, c'est vos entraînements vocaux. Ça a foutu les gens. C'est les vocalistes d'Atlanta. Par contre, on va peut-être pas chanter notre karaoké maintenant parce que maintenant on va faire que de roter. Ah, c'est vrai. Bah, si, non, bah, moi je peux commencer, je chante toute seule. Vous nous promettez Sous le vent de Céline Dion et de Garo? Bah, normalement, oui, on n'a pas choisi. On peut dire c'est Amélie qui a choisi. Anaïs, tu as prévu quoi? La bonne du curé. Tu veux commencer? Je veux bien. D'accord. Je m'en fous. Et bah, commençons. Alors, attends. Comment est-ce qu'on fait? Bah, il va te le faire. Tu gardes ton micro, tu restes assise ou tu veux te lever? Non, assise. Okay. Antoine, on se lève, on fera ça veux. Là devant. Moi aussi, je me lèverai. Ouais, moi aussi. Alors, attention, nous mettons la bonne du curé. Le dernier tube à la mode hein, pour Anaïs. Et normalement, ça va partir. C'est toi qui règles le son hein, finalement parce que ça sera plus ou moins fort. Sera la tranche numéro 2. Donc, nos micros finalement, ça va régler aussi ton son. Ça? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, normalement, ça va commencer. Sympa! En direct live! En direct live! Je voudrais bien, ouin ouin ouin, mais je peux point, ouin ouin ouin. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, quel est mon diable, me tire par les pieds. Et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je fais pas mon empêché. Je me pardonne, je suis la bonne du curé. Hey, je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou trou. Mais s'il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du PI, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable qui est un beau diable me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais que des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Ouais. Et je voudrais toujours bien, ouais, ouais, ouais. Mais je peux toujours point, ouais, ouais, ouais. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais brinler, danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Mais qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas que le transouet. Mais quand le diable qui est un beau diable me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais que des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et tous avec moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allez, encore une fois. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. C'est bon, stop, stop, stop, stop. En fait, c'est toute la chanson. Ah oh, je voudrais bien, bien, bien, bien, mais je peux pas, waouh, waouh. C'était très bien. Ah, vous, c'est pas mal. Et en plus, on a tous rajouté un peu notre petite notre patte. On m'entendait quand je chantais ? Oui, mais moins fort. Oui. Mais c'était très bien comme merci. Ça. Ah ok, c'était super. Alors, qui continue? Bah nous. Je dirais toi moi Pierre. Ah non, c'est comme vous voulez. Vous voulez ouais, y aller? Tu dis honneur aux femmes donc. Vas-y. D'accord, j'y vais. Alors attends, juste une chose. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qui va nous chanter? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah là, je sais même pas ce que chante. Attendez, parce que là, là, ça se prépare. Alors, jamais. Je voulais vous chanter Ed Sheeran avec Shape of You. Mais t'as pas réussi à la chanter. Si, bah ça sera un peu du yaourt, mais c'est pas grave, on aime le yaourt. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah ok, j'ai l'impression de m'entendre moins fort que quand je suis. C'est mon casque, on est d'accord hein. Oui, c'est ton casque, chérie. Oui, je crois. Tu veux que je mette Non, non, on entend bien ta gueule, hein, t'inquiète pas. Blablabla. Bla, bla, bla. Bah, si tu peux me mettre un peu plus fort. Mais plus fort. Petit réglage du moment. Ah, les alias du direct. Les louias. Ah, les louias. Ah, ouais, ok. D'accord. Ah, c'est peut-être le micro qui est moins fort, c'est pour ça. Ouais, c'est possible. Ah, ok. Donc, ça me va. Et alors, ça sera celle-là que tu pourras mettre plus ou moins fort. D'accord. Bah, tu me diras. D'accord. Alors, on met Shape of You d'Ed Sheeran on the first live of the weekend. Ah, il y a des trucs là. Et. Oh, c'est cet accent. Théo, vite en bas, il me plaît bien là. De quoi? C'est quoi en bas? Ah, oui, je sais ce que c'est en bas. Ouais. Tu, ça sera pour fort, tout à l'heure. Dis, ça. Hein, plus ou moins fort. Hein. D'accord, ok. Que ça soit fort. Et c'est parti, Théo ouais. Pour Shape of You, Ed Sheeran. Ok, 1, 2, c'est bien, ça me semble pas mal. Attention, hey, on est en live. Théo est dans la place. The club is the best way to find the first of bar, so where I go. Oh, oh, oh. Me and my friends and the table shot, drinking fast and talking slow. You come on the stopter, come on the just me, trust no, give it a chance. Yo, thanks to stop down, man, the jukebox, then to stop to dance. I'm singing like, cause I want your love. You love my hand, only somebody like me. Come on from my life, I made me crazy. I don't mean I say it's boss, don't talk too much. Grow all my ways and put somebody like me. Come on from my life, come on from my life. In my love in the shape of you, in my pulling melting too, in my heart and falling too, in my loving bodies. Last night on the wheel in my rooms, and the bed just smell like you. Every disco is so brand new, in my loving body. Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey my love, anybody? Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey my love, anybody? Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey my love, anybody? Every this girl is so brand new. Hey my love, in the shape of you. Come on, the mind the story begins and counts on my first date. You're my first date, the sunlight hits me in the pinks of the radio plates. You're taxing the house and the sweet in the sauce on family, it's this okay. You're leaving a taxi and a kid in the back spin, the drums on the radio play. I'm singing it cause I want your love. You love my hand, don't leave somebody like me. Come on, follow my lips, I made me crazy. I don't need nonsense, boys, don't talk too much. Grow off my ways, don't put somebody like me. Come on, front of my lips. Come on, front of my lips. In my love, in the shape of you. In my pool, I'm melting too. In my all, and falling too. In my love, in the bodies. Last night, in the way of my rooms. And the passion smell like you. Every day, this color is some brand new. In my love, in the body. Wow, wow, wow. In my love, in the body, ooh, why, ooh, why, ooh, why, ooh, why. In my love, in the body, ooh, why, ooh, why, ooh, why, ooh, why, ooh, why. In my love, in the body, every need is called is so brand new. In my love, in the shape of you, come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. Come on, you're my baby, come on. In my love and the shape of you. In my pool and melting too. In my heart and falling too. In my love in the body. Last night on the way in my rooms. And the passion smell like you. Every day this girl is so brand new. In my love in the body, ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I. In my love in the body, ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I. In my love in the body, ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I. In my love in the body, every day this girl is so brand new. In my love in the shape of you. Le seul qui a eu le culot de nous faire de l'anglais quand même. Ah bah quand même hein. Bravo, bravo. Bah oui quand même, je félicite cet exploit. Bon, j'avoue c'était quand même un par contre yaourt. Tu sais pas lire. Non franchement j'ai réussi à te comprendre. Oui mais alors c'était pas forcément exactement les paroles non plus. Effectivement. Est-ce qu'on aura assez de casque ou pas d'aller là avec Antoine? Tu peux ouais je crois. Et il y a un moment j'ai repris Amélie genre tu sais dans j'entends Amélie faire oui oui oui oui oui. Mais même pas elle me dit c'est pas bon, elle me regarde en mode mais ta gueule. Mais, là, oui, mode, mais je suis trop fière de moi. Oh, ça après va. J'ai compris c'était oai et lui il disait oa oa oa. Alors j'étais en mode oi. Alors, tu verras un moment sur la VOD pendant que tu chantes, Antoine a réussi à avoir un plan magnifique de ta tête. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. On peut pas les revoir. J'ai une question. C'est en live. C'est en live à suivre sur Twitch. Attends, et c'est pas fini parce que je regarde ma voix naturelle parce que je fais un. Non mais putain, Antoine, Antoine, viens là. Je crois que j'ai fini. Attends, je pense pour ça faut. Oh, il y a des tarés. Est-ce que tu peux me baisser un petit peu le casque? Ah oui. Là, c'est fort pour moi. Non, puis là, quand je crie dans le micro, ça fait non, c'est moi, je vais pas être crédible. Alors, on va croire qu'il y a deux Céline Dion. Céline Dion et Garou. Céline Dion, Céline Dion. Donc Céline Dion, c'est Antoine et Garou, c'est Anaïs. Ah non, moi j'ai Amélie. Attends, déjà j'ai révisé deux fois pour Céline Dion, c'était chaud. C'est bien deux fois déjà. Céline Dion, mais c'est sous le vent. C'est mais alors, Céline Dion, c'est le, c'est. Oui, non, mais chacun ses goûts. Ok. C'est franc. Mais tiens, on se le partage. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, sous le vent, Garou, Céline Dion, interprété. Qui commence à chanter? C'est toi. Mais ça sera marqué quand c'est bleu, c'est toi. Quand c'est rose, c'est. Amélie, c'est moi. Amélie. Ça va sur le cœur. Amélie. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. J'ai donné vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends, respire un peu le souffle d'or, et pousse en avant. Hey. C'est comme si j'avais pris la mer, J'ai sorti la grande voile et je l'ai glissé sous le vent. C'est comme si j'avais quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit. Ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Ah, c'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Et si à l'instant. Ah, c'est comme si j'avais pris. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Magnifique. J'en pleure de joie. Non mais alors, attends. C'est dingue comment vous avez pas le rythme l'un mais, comme l'autre. Oh là là. Mais, non, mais ce qui est ouf, c'est que Antoine, ce qui est ouf, c'est que Antoine, on sent qu'il a pas répété, tu vois. Donc il fait ce qu'il peut. C'est pas toujours dans les temps. Il y a pas toujours la fin des phrases ou le début. Les vocalises, il a géré, je trouve. Mais, mais par contre, Amel, on sent que t'as répété. C'est bien. C'est ma sacrée. Voilà, je savais pas. C'est ça. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on sent que t'as répété, tu vois. Mais c'est qu'il y a un truc qui chie dans la colle. Mais c'est ouf comme t'as pas le rythme. Et pas la voix. Et pas, pas non, la voix. Non, mais c'est pas une question de voix, c'est la justesse de la voix. Non, ça allait, j'ai tout donné, vous rigolez ou quoi? Mais t'as tout donné, c'est mais ça le problème. T'as un peu trop donné. Par contre, moi, peut-être j'ai massacré un peu Garou. Oui, mais. Parce qu'il y avait trois voix différentes. Non, mais quelque part, t'avais trois voix différentes, mais qui étaient sur un ton juste. Alors que Amélie, je te jure qu'il y avait aucune de phrase. Mais j'étais à fond d'un juste. Non mais c'est pas grave. Hein. J'ai fait le show par contre. Ah oui, ah bah ça, on était tous en train de rire. Non mais c'est excellent, c'est excellent. Moi j'ai hâte du replay. Ah ouais, le replay, écoutez le podcast. Le replay. Ça sera disponible. Moi je dis replay. Si vous avez suivi ça sur Twitch, alors je suis désolé au niveau du cadrage de la vidéo, on n'arrive pas à faire mieux. C'était pas top. Donc vous avez un grand plan. Vous avez un gros plan sur la barbe d'Antoine. Mais, et sur mes crottes de nez à moi. Et voilà. Sur les crottes de nez d'Amélie. Moi, je préférais ma barbe. Alors, je vous en ai préparé d'autres éventuellement, si vous voulez. Alors, celle mais que j'avais tout en bas, c'est celle que j'ai failli choisir. C'est vrai, gravée dans la roche. Oh, ouais, j'ai failli la choisir. Et ben, on l'a fait à deux, alors. Je me suis dit, ça va être. Mais non, je veux chanter, moi aussi. Bon, on l'a fait à trois. Bah oui. Bah je veux bien tester. Vous la connaissez? Oui. Non. Bah oui. Gravée dans la roche. Ouais, tu connais juste ça. Moi, je peux juste faire le refrain, si tu veux. Bah tu oui ok oui je vais peut-être faire que le refrain alors on a fait c'est collégial parler, je vais essayer de parler mais vu que je connais pas je vais parler pas d'accord fort. On enfin. Fait graver dans la roche je me mets là-bas parce que oh ouais, non tu je peux me mets rester là, là ce sera mieux ouais parce que ce micro finalement il me convient mieux j'ai marché sur mon micro chef allez graver dans la roche sniper tu peux enlever la musique de fond faut que j'enlève ma veste je vais tout donner pour sniper ouais gros oh, je me déshabille peut-être pas quand même Rabbit, t'as quand même minimum. Yo,

Ok. En plus, c'est vieux comme groupe, ça. De quoi? Green Day? Tu rigoles ou quoi? C'est sorti en 2006. Mais vous voulez quand même qu'on la mette? Ah, c'est 2006. Mais oui, c'est 2006. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Mais non, pas du tout. Vous voulez quand même qu'on la mette ou pas? On la met pour les vacances. Allez, c'est parti. Allez. Allez, écoute. Ça, c'est parce que c'est un karaoké. T'as peut-être entendu ce jingle. Thinking karaoké. Non, mais ils font des très bons karaokés. On peut les féliciter. Moi, j'aime bien leur karaoké. Ah, yeah. Qui fait ça? Il y avait Holiday de Madonna aussi, mais je fais ça là. Tu peux danser? Ça, yeah. Bien sûr que tu peux danser. Falling rain and call on them hail all the flame and the shame but what it are was the name and the dog of the Lord of day told him got the fate of his hurry and blaze the combat of the wild day. I've had a dream of death from all the of a life. They said the drawing of red eyes of a life. On holiday, yeah, and holiday. And the dream on a lot of times. And the sovereign is told us cross the line and find the money lost it of a sign. And the flag was the hardest call of pain and the gang, a plastic bottom monument. I bet the dream on there from all the other lives. Since it's the drawing the rest of the lights of a life. On holiday! C'est pas fini! Oh yeah! Ah non, elle est longue, hein? La la la la la la la la. Represent for the California as the floor. Yes. Saying hang for the brand they guess banned. Bounce away for the punishment. Pulverize the Eiffel Towers. Recruitize your the government. Bang bang for the broken glasses. How the fuck you yeah, don't agree. Try fire, sitting fire. Not the wave of the fall of me. Just cause. Just call me of a life. I bet a dream on it from all the other lies. This is the try to rest all lights of a life. I bet a dream on it from all the other lies. This is the try to rest all lights of a life. Thank you Paris. Thank you la France. De rien. C'est fini. Holiday. C'est les vacances. Voilà, tu peux remettre la musique de fond. Si oh, on va se calmer. Hein. Le timbre de voix, il passe vraiment. Ah, t'as vu, on dirait Green Day. Hein. Y a... oh. Vas-y. Non mais franchement, flattez-moi, mon bon roi. Bon, après, chanter sur du rock, c'est compliqué. Ouais, enfin oui. Ah, j'aime bien Green Day, moi. Moi aussi. Ça m'a donné envie de le recouter, tu vois. Après, faut juste après je pourrais chanter ACDC aussi, mais après, j'aurais plus de voix. C'est encore plus. Ouais, je sais le faire. Je sais le faire, mais le problème de chanter ACDC, c'est qu'après, j'ai. Tu vas plus avoir de voix ce soir. Après, je parle comme ça. Alors qu'il y a encore plein de choses à faire, et puis vous allez retourner dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ouais, faut qu'on finisse l'enquête. Je suis passé pour être présent dans ton futur. Vous connaissez CMC Solar, Caroline. Non, le sens de la vie. Ouais, ok. Et total. Vous allez trouver le sens de la vie ce soir. Total. Non, le sens de la vie. Quel est le sens de la vie vous avez trouvé? Que je m'aime et je l'aime. Yeah. C'est quoi cette Rosemary Fairweather avec MTV. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. J'ai fait l'amour avec un ragondin. Attention, on change de musique. Actu solide. Machine à laver, machine à laver, machine à laver, yeah yeah. Tous les mercredis soirs dès 21h sur Indestar. Ouais. Dans Actu Solite, on aime la chanson. Ouais. On aime le bruit. Ouais. On aime faire les cons. Ouais. Et on aime être vulgaire. Ouais. Bite, je t'emmerde. Chat. C'est pas très gentil tout ça. Bon, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. À ce temps-là. Bah oui, bah les enfants, tu sais, de nos jours. Bah allez vous coucher. Ils ont plus vraiment école en ce moment. C'est vrai. Donc ils peuvent nous écouter, ou peut-être même qu'ils nous écoutent en podcast. Et à ce moment-là, il est 2h de l'après-midi. Les parents sont des, tu sais, histoire de. On va vous faire découvrir une anguille. Non mais, ouais, exactement. Tu sais, pendant les vacances, les parents ont autre chose à foutre. Ils ont envie de faire leur activité. Ils disent aux enfants, bah tiens. Pour vous occuper, on vous met une émission familiale, on vous met Actu Solite. Voilà. Et là, ils tombent sur ça. Voyez, voilà l'éducation qu'on fait de nos enfants. De on la en a, jeune on génération. En a pas. Non, mais pas nous. Quand je dis nos enfants, c'est parce qu'on est une tribu. Oui, parce que j'accueille pas tout le monde. La tribu de la France, la tribu de Dana. Ouais. Dans la vallée, oh, de voyez, la suffit la de dire la un truc. Dans la vallée, oh, j'ai cru entendre les échos. C'est très contagieux. C'est très contagieux. Toi la forêt nord-américaine, je dois être mon regard dans mon. Ma foi, mais mon domaine. C'est presque ça. C'est presque ça. Alors, ce soir, il y a quand même une mission qui est de la plus haute importance parce que tous les philosophes jusqu'à maintenant se sont posé la question à un moment donné dans leur vie. Tal. Oh, mais ta arrête gueule avec ça. Oh, quel est le sens de la vie? Alors pour ça, vous êtes remonté à la préhistoire tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Pierre d'ailleurs. Vous avez vu Pierre, un ensemble de pierres. Nous avons Pierre. Vous auriez Pierre, pu monter Pierre. Un mur de pierres. Oui aussi. Et vous avez joué. Et qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse? Partage. Le partage. Donc pour eux, pour les hommes préhistoriques, le sens de la vie, c'est le partage, quoi. Voilà, ok. Mais toi, ils ont rien, donc autant te partager. Ah bah, ils partagent le peu qu'ils ont, effectivement. Oui. Maintenant, même vous allez aller dans une autre époque, alors je vous laisse choisir, évidemment. Et vous allez, je l'espère, avoir une autre définition du sens de la vie. Pour cela, vous avez la DeLorean à disposition, vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est chiant, vraiment, il n'y a rien à faire ici à part dessiner sur les murs, chasser des Antoine Mammouth. Venez, là, on change d'époque, sérieux. Tu veux Antoine, mets ce que tu veux. 1696. 16 parce que c'est l'âge où j'ai copulé pour la première fois. Et 96 c'est l'année où je suis né. Allez, on y va. Ok, donc du coup t'as mis ça, ouais. C'était rapide hein. Dans tes rêves, hein, pour le premier chiffre, hein, c'est pas stylé ici hein. Il y a 20 châteaux. Et puis moi en plus je trouve que les gens sont pas mal habillés, franchement. Je les trouve même trop habillés. Et j'aimerais bien demander à la dame là-bas pourquoi ils vont tous vers la porte. À poil ! Bonjour madame ! Oh, mes hommages, jeune gueuse ! Quel est l'objet de votre sollicitation verbale ? Nous sommes les Actus Solites, nous sommes là pour quel est le sens de votre vie, madame ? Le sens de la vie ? Oh, vaste sujet, vaste question auquel je ne pourrais répondre en tant que femme de la cour. Mais je vous en prie, venez rejoindre la cour pour la soirée afin de vous divertir prestement à la distraction de notre troubadour. Eh ben, c'est parfait. Je crois que la prestation va commencer. Je fais bien ces maths de votre part. Messire, gentes dames. Gentes demoiselles et gentes demoiseaux, voici ce soir pour la cour le comte de Bouderbien-là. Applaudissez. Merci. La parade est de sortie et moi je m'y rends lentement. Sur la place, le carrosse du roi me mets aux émois vraiment. Je l'ai. L'infanterie, mes enfants, mes amis réunis pour la vie, c'est mercredi. Et ce soir, le grand soir, j'ai de l'espoir, vous êtes hilar, hilar, hilar, hilar, hilar. J'ai l'impression que vous connaissez cette chanson. C'est Zombie de Cranberries. Exactement. Oh, ouais. Je croyais que c'était une nouveauté, comment vous dites ? Zombie de Cranberries. Je vais écrire ça sur mon petit carnet. Vous en voulez encore ? Ouais ! J'aime bien cette formulation, je vais la garder. Vous en voulez encore ? Les brigands sont vraiment méchants, c'est consternant. Mais juste pas peur, car dehors demeure à toutes les heures, à toutes les heures. La police qui fait la justice supprime le vice. Je cherche du réconfort chez les toréadors. Ils sont là qui quand on en a besoin. Qui ça? Les justiciers du bien. Lacan, c'est vice et vaurien. Peine de mort pour tous ces crèfants. Ouais, ta ta la la ta la la ta la la ta la la ta la la ta la la ta la la ta la Les démons de minuit. Oh, c'est osé un petit peu cette forme, mais le rythme me fait un frais danser tout l'été. Vous connaissez les démons de minuit. Les démons de minuit, cher. Émile et Image. Oh, j'ai cri démon de minuit. Allez, c'est parti. Je suis chevalier, je suis cavalier, je suis courtisan, oh, oh, je suis courtisan, oh, oh. Quand je vous vois tous là, vous emplissez ma grande joie. Je vous suis reconnaissant, oh, de m'écouter ici et maintenant, car je suis un troubadour, dour, dour, dour, et je fais quelques tours, tours, tours, tours, tours, et chanter quelques couplets, plé, plé, plé, plé, pour vous émerveiller, émerveiller, émerveiller, émerveiller, émerveiller, émerveiller, hey, hey, oh là là, cette ambiance me rend toute chose. C'est cool, je connais pas. C'est Taylor Swift, non? Taylor Swift, je crois. Très bien, je note. Oui, c'est ça. Oh, c'est, vous l'aviez ça ne vous embête pas. Ah, j'avais que la version parodie. Je vais déboutonner mon bouton de colle si vous ne voyez pas d'obscénité là-dessus. Non, non, non, du tout. Allez, lâchez-vous. Ouais, ouais, ouais. Et frappez dans vos mains. Ouais. Et si on n'a pas de main. Et si vous n'avez pas de main, frappez avec autre chose. Avec ce que vous avez. J'ai longtemps entendu les canons effleurer parfois mon village. J'ai trouvé refuge et même un bon souper chez mon tonton André. J'ai appris par cœur le son de ces bruits. Parfois, je les entends encore, ils font partie de moi. Je veux juste oublier tout ça, que ce soit ici ou là-bas. Plus de guerre ni de combat, que la paix règne tant que le roi sera là. Merci. Bravo. Notre bon roi soleil règne au grain, croyez-moi. Point de canon ni de tir à l'impromptu dans notre royaume. Vous connaissez ce titre? Kyo, dernière danse. Kyo, dernière danse. Je ne l'avais même pas, tu vois. C'est vrai? Allez, une petite dernière. Un piano, une mandoline, un violoncelle, une tirade, sur un air de guitare, une sérénade, une accolade. Quand je me mets à chanter, j'espère que vous allez danser. Ta-la-ta-la, ta-ka-ka-ta, ta-la-ta-la, ta-ta. Pour la suite de la musique, il faut y trouver les mots. J'en sors certains de mon chapeau, pourvu qu'ils ne soient pas bien beaux. Les faire rimer sur un couplet, ça c'est le plus compliqué. Je tente tout de même d'aller sur scène. Parce que l'on m'a invité, parce qu'on m'a sollicité. J'espère que vous allez me remercier. Ouais, bravo. Oh, il faut reconnaître que ce gars a du talent d'écriture et de rythme. Il sait transmettre sa bonne humeur, son talent, ses créations. Quel était ce titre? Bah, je sais pas. Vous ne l'aviez pas? Oh bah tant pis. On va dire que c'est une création. Moi, je vais rentrer dans mes appartements, faire mes selles et me reposer. Je vous laisse. Donc là, si je comprends bien, les gars, on a... C'était les Red Hot Chili Peppers avec Californication. Ah oui, bah, évidemment. J'ai quelque chose, mais... Bah oui, bah, oui, j'avais sûr. Pas de titre. Moi, ouais, j'avais clair, mais le titre... Et comme quoi, tu vois, on peut se dire que là, on est à l'époque de Louis XIV. En fait, ils avaient déjà tout inventé, quoi. C'est-à-dire que tous les... Nous, on a juste changé les paroles. Mais quoi, c'est ça, toutes les musiques qu'on écoute à la radio, on pense que c'est des originales, on pense que c'est des découvertes, alors qu'en fait... Des originaux, peut-être. Non, des c'est originales. Original. C'est une musique. Allez vous faire enculer. Cordialement. Et en fait, en 1600 et des brouettes, en 1600, tu m'as dit combien, Antoine? 1696. Eh bien, en fait, elles existaient déjà, ces chansons. Parfait. C'est comme quoi. Alors comme que, quoi. Avec d'autres paroles, évidemment. Mais, évidemment. Bon, vous avez donc un autre mot, apparemment. Oui, alors, partager et transmettre. Partager, transmettre. Bien sûr, si vous voulez jouer avec nous, hein, n'hésitez pas, c'est la dernière d'Actusolite. Appelez-nous au 09 70 407 306. Et si vous nous appelez, vous avez le numéro d'Anaïs sans rappel. 06 41. C'est un surplus, c'est le... La frite sur le gratin. C'est le numéro gagnant. C'est le j'ai numéro l'air de ressembler à une frite. De quoi? Non, pas toi. Là, t'es plutôt carré. Un petit grain de maïs. Mais un tout petit alors, si je prends pas de place. Ça dépend. Je prends pas de place. D'accord, tu prends oui. pas de place. Juste après, raconte-moi une histoire, la toute dernière, raconte-moi une histoire de cette émission. Exactement. On va vous raconter une histoire, à dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mm-hmm. Si vous gagnez, tant mieux. Si vous perdez, tant pis. Juste avant, on écoutait Jack Coco, Paisley Darling. Paisley Darling. Paisley Darling. Paisley Darling. Paisley Darling. Sur Indestar. Indestar présente ActuSolite. Wow. C'est le bruit. Oui. Eh bah. Agala Zunga. La. Soleil et des nanas. La. On va s'en foudre jusque là. La. Eh ouais. La. On va s'en fourrer jusque là. Da la di la da la. Da la di bouskawa. Da la di la la. Pousse ta banane et bouskawa, c'est ça. Ta ta ta la ta ta ta ta. Année 90 ça. Etc, etc. Les YOLO musique. On les adore, on les a eu toute l'année. Voilà, par des contre, j'adore comment ils s'appellent. J'ai zéro culture. Non, c'est les Go Culture. Ah merde. Et elle sait pas lire la gueule. Les Go Culture, et c'est la BO de des bronzés. Ça, ça c'est Amélie, le Géo. J'ai zéro culture. Mais vas-y, c'était pas mal, c'est mon jeu de mots. Comment ça clash? Mais c'est les Go Culture. Oui, mais c'était pas mal, j'ai zéro culture. Ouais, c'est pas mal. Clash pas, j'ai la vérité, c'est tout. Maman. Oh bah disons, on passe d'une ambiance festive à une ambiance calme, c'est normal, c'est le moment où vous endormez, le moment où on vous raconte des histoires. Attends, mais elles sont pas forcément vraies. Une ambiance Antoine jingle. Fait jingle. Ambiance dépressive. Jingle. Attends. Oh putain, jingle. Ces histoires sont inspirées de faits réels. Ou pas. Il est bien ce jingle en vrai. Ouais, en vrai on aurait dû le c'est garder. C'est quand que c'est la fin? Est-ce que tu peux le refaire? Oh putain. Pour mon kiff. Ces histoires sont inspirées de faits réels. Ou pas. Alors. Tu peux essayer de faire un peu moins grave. Mais non, c'est bien. Il va pouvoir raconter son histoire mais après. Fais-le en mode italiano. Je peux pas, j'arrive pas. Ah, attends, il est déjà, pas. Déjà, il a fait la voix grave déjà. Ouais, il fait la voix de Rocky. Il est pas polyglotte de toutes les de toutes les intonations. Bah, on peut essayer, hein, la belge. Non, je rigole. Ouais. Ah, pas déjà une fois. Cette histoire est inspirée de faire rire ou pas. Ah, il y a un petit postillon là. Ah, c'est sûr, bah, quand je parle belge, il y a des postillons, t'as vu. Bon, alors. Ça, c'est les frites, c'est le sel, ça fait baver. Ah, ça, c'est les frites, une fois. Je suis désolé pour tous les Belges qui nous écoutent. Il y a un Belge qui nous a appelé lundi d'ailleurs. Ah, et on est obligé de lui raccrochonner. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Que ça coûte trop cher. Non, il nous a appelé. Si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous. Tu nous as appelé pendant la chanson. Il restait plus que 20 secondes. Donc Teddy a dit attention, il y a plus que 20 secondes. Et bah, tu as voulu nous expliquer un petit peu la raison de ton appel. Ah, faut lui avoir sauf qu'il restait là, toujours que 20 secondes. On était obligé de te raccrocher. Le pauvre. C'est horrible. Bah, oui, je sais. Mais tu peux nous rappeler. Hein. 09 70 407 306. Mais avant la fin de la chanson. Avant la fin de la chanson. On te paiera une frite. Exactement, on te paiera une frite une fois. Et comment tu sais que c'était un Belge? Mais parce que c'était un numéro en plus 032. Mais il t'a dit qu'il était de Belgique ou pas? Non, et c'était un numéro mais en plus 032. Tu n'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Putain, il nous avait pas manqué pour ça, Jolan. Ah, t'as quoi, t'as gueule, t'as là-bas. Tu sais pourquoi est-ce que les mecs ils disent par exemple 15 000 mots et que nous les femmes on en dit 30 000? Vous parlez trop. Non, parce qu'il faut toujours vous répéter la même chose. Exactement. La preuve en image. Mais des fois, quand même, c'est pas la peine. Alors, le principe de raconte-moi une histoire, c'est que oui, on a des histoires à vous raconter, mais elles ne sont pas toutes réelles, comme vous l'avez entendu dans ce jingle. Qui veut commencer? Ok. Lève la main. On lève la main comme à l'école, c'est Anaïs qui commence. Très bien. Je vais commencer. Il y a quelques jours, dans le Nord, une centaine de cochons ont péri dans un accident de voiture. Oui. Dans un accident de route. Hein. Ah, il fait très bien la truie. Ouais, attends, c'est la truie. Oui. Donc un drame qu'a ressenti l'éleveur, un drame que ce soit médical, pas médico, parce que non, médical. Non, médical. C'est un drame médical. Drame médical. Des drames médicaux. Oui. Des drames médicaux dans la mesure où quelques chauffeurs ont été légèrement blessés. Sentimental aussi l'éleveur par rapport aux cochons. Oui. Mais également financier, moins de cochons, moins de fric. Les petites babes. Et donc du coup, dû à ça, une association de défense des animaux qui a voulu faire un mémorial pour les cochons sur le lieu de l'accident. Mmh. En souvenir des cochons qui ont été terrifiés et qui ont souffert. Et actuellement, toujours pas de réponse de la part du maire. Moi, je dirais vrai. Je pense que cette histoire est inspirée de faits réels. Qu'est-ce que t'as marqué en... J'ai rien marqué, mais je vais le dire à haute voix, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Il y a quoi comme info? Eh ben, c'est vrai. C'est vrai? Et merde. Ah bah, mon intuition... C'est pour ça que tu es le seul à avoir mis faux. Ah bah non, mais c'est toujours parce que je me suis dit, c'est dans le Nord, il peut que se passer des trucs gris dans le Nord. Bon. Des trucs what the fuck. À moi. À toi, Anna. Mai 2009. Oh là, tu vois, c'est vrai, c'est vrai ça. Je croyais qu'on était dans l'actu et solide. Tu sais même pas ce que c'est. Bah, t'as dit une date. Mais, alors, mais ça va rien dire. Ça va rien dire. Hein. C'est facile. Juste pour ça, je vais dire. Je peux te dire juin 2014. Hein. En Chine, bah, c'est mieux, un jeune homme riche de 20 ans conduit avec sa voiture de luxe, forcément. T'es riche, tu conduis des voitures. Attends, de luxe. En 2009 Ouais. C'était quoi comme voiture? Ils avaient. Je sais pas. Ah non, mais en 2009, ils avaient pas encore beaucoup de voitures, les Chinois, attention. Et sur un passage piéton. Il écrase une mamie. Il a tué une personne de 25 ans. En fait. Oh, ouais. En attendant la police, le jeune homme, en fait, il est sorti de sa voiture, il s'est mis à fumer des cigarettes, limite regarder le cadavre et rigoler, tu vois. Mm-hmm. La vidéo a fait le buzz parce que les gens ont pris en vidéo. Est-ce et forcément. La drôle de la faire, Oma. C'était petit, ça. Forcément, ça a fait beaucoup de bruit. En sachant qu'en Chine, pour rien, tu peux être pour vrai. La peine de mort, tu vois. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et en fait, non, le jeune homme, il a juste écopé de 3 ans de prison. Ouais. Mais bien sûr, vu qu'il est riche, il les a pas fait. Parce qu'en fait, il a juste payé une doublure pour y aller à sa place. Une doublure pour aller en prison? Tu payes une personne. Ok. Pour aller à la place en prison. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je pense que cette histoire est fausse. Bah, je crois que je l'ai déjà vue, celle-là, non? Non. Et bah, cette histoire est vraie. Bah, je crois que je l'avais déjà vue. Tu l'as peut-être déjà vue, effectivement. Cette histoire est vraie. En Chine, quand t'es riche, pour ne pas aller en prison, tu peux payer. Moi, c'était l'histoire de la voiture parce que tu vois, en 2009, y en avait pas beaucoup qui étaient équipés de voitures. Après, tu m'as dit qu'il était riche. Oui, voilà, donc forcément. Ouais. Le marché automobile s'est bien développé à décennies écoulées. C'est à toi. Info starter. Ok, c'est à moi. Alors, moi, on est à Strasbourg. D'accord. En France. En France. Strasbourg. Bravo. Dans le haut de la France. Non, c'est au sud. Non, c'est dans l'est de la France. C'est dans l'est, plutôt vers le nord-est. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout. À 17h mardi dernier, devant le Zénith de Strasbourg et dans une ambiance festive, parce qu'on a festoyé, arrête de regarder ma feuille, Antoine. Il y a eu le plus long. Donc, la plus longue, pardon. Tarte flambée du monde. D'accord, la flamenco. Ah, ok, ouais. La fameuse flamenco. 38,8 mètres de long Est-ce que, alors cuisson qui a duré 5 heures, c'est des étudiants qui avaient préparé le truc, ils avaient été avant, ils avaient préparé pour le jour de cette manifestation, ils comptaient faire 40 mètres, puis finalement ils se sont dit, bah non, on arrive à 38 mètres, 80, ce qui est déjà énorme, vous imaginez, oui, bah, une fameuse couche de 38 mètres, 80. Ça rentre même pas dans le manger après, quoi. Bah, il n'est pas dit qu'il a mangé. Par contre, il n'est pas dit non plus si cette info est vraie ou fausse, à votre avis. Moi je dirais vrai parce qu'on fait bien des gros concours de bouffe. Donc il y a même eu un sondage de rillettes il y a quelques années, il me semble. C'est vrai qu'on fait pas mal de concours et de que bouffe. Teddy en avait parlé, il me semble. Ouais. Pourquoi ça serait faux, Antoine ? Que je sais que t'inventes souvent. Oui, mais pas là. Ah, merde. Et le pire, c'est que j'ai failli. Je l'ai vu et j'ai failli la faire ce soir. Cette T'as failli la faire, mais en fait, je l'ai faite en speed dans le sens où. Oui, il m'a regardé tout à l'heure. Il me dit J'ai pas. J'ai pas fait mon histoire. Bah, je lui ai dit, bah, moi, mon histoire, c'est ça. En plus, je lui ai raconté mon histoire, donc je me suis dit, forcément, il va dire c'est vrai, mais en fait, quand il a dit que c'était faux. Bah oui, je sais. Je dis pas que de la merde. Non, mais je savais, mais c'était. Vous une avez une histoire, vous aussi, Joe et Antoine ? Non. Votre vie est inintéressante. On va écouter Kamax, hein ? Ah, c'est moi ça. Another Got the Render. Alors, Another Got the Hunger, il y a dedans du Queen et il y a du Alice Russell. Vous connaissez Alice Russell ? Ouais, bien sûr. Ah, ok, cool. Elle vole, elle recèle. Attention, hein. Et juste après, on va enfin savoir quel est le sens de la vie. Oh là là, on vous promet mon émerveil ce soir, c'est magnifique. C'est sur Indestar, évidemment. Il paraît qu'écouter ActuSolid renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Indestar. On connaît ça. Ouais. Ouais, là, on est toujours présent pour la dernière d'Actu Solid. J'aime bien. C'est vrai que c'est. Ah ouais, c'est ton dernier. Ouais. Mon dernier retour de couche. Ton dernier retour après la musique. Oui. Oh. Ouais, le petit caramel. Remets le jingle et refais-le parce que j'étais pas prêt moi. Bah ouais, c'est la dernière là. Actu Solid renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Les amis pour la vie. Des stars. Ouais. Vous êtes fatigué. On l'a dit en même temps, c'est rigolo. Je crois qu'on a bien. On en a bien profité de ce. On a bien profité de. Cette dernière intervention. On est encore au taquet ce soir, je sais pas comment on va réussir à dormir chez nous dans une heure, mais on est encore au taquet. On est où? Eh ben on est là. C'est le bordel. Eh ben on est sur quoi? On est sur Indestar. ActuSolid. On est sur Indestar, on est pas ActuSolid. Sur Actu. Non, on est sur Indestar. T'es pas posé sur ActuSolid là. Amel, sur Indestar. Et vous écoutez ActuSolid. Jusqu'à 23h. À peu près. Plus que ça, il est 23h05. Bah, je dirais minuit alors. Mais vu que c'est la. Non, mais. Je dirais minuit lors du matin. Vu que c'est la dernière, on se traîne au bout de la nuit. Jusqu'à les démons de minuit. Plus d'ActuSolid. Quelle insomnie. J'avais fait une reprise de cette chanson l'année dernière. Ok, super. Tu as ? J'avais fait une reprise de cette chanson. Oui, on avait repris. Prends de la radio. Oula. On avait tous chanté et c'était nul. Et on avait massacré. Comme toutes les musiques que l'on a fait. D'ailleurs. Oui, bah c'était nul, mais c'était bien. Allez retrouver ça sur YouTube, je crois qu'elle est. Qu'est-il dans la compile. Tu l'as pas mis dans la compile. C'était excellent. Non, je l'étais pas dans la compile parce que. Comment dire vraiment tout c'était nul. Le directeur artistique n'a pas voulu. C'est moi qui l'ai écrit, cette chanson. Oui, c'est pour ça que le directeur artistique. Et moi, je vous dis, pour finir en beauté cette saison, quoi de mieux que de savoir le sens de la vie. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc nous avons déjà le partage, la transmission. Ouais. Transmettre des bonnes choses, de bonnes valeurs, de bonnes idées, des principes, de bons principes, de bonnes vaisselles. Des culture. La culture. Ah, de la culture, mec. Ouais, je suis de la culture. Mec, de la culture. Ah, bah, si, peut-être ta culture, mais alors. Et pour ça, il nous manque notre troisième mot du sens de la vie. Alors, vous pouvez reprendre la DeLorean qui est gardée. Moi, j'ai le troisième mot. Hein. Ah, attends, faut remettre les papillons là. Sale. Oh, ta gueule. Tu m'énerves avec ça. Je vais te virer. Il y a de la place dans le la DeLorean. La pauvre. Elle est virée un quart d'heure avant de commencer. C'est dommage. Ah, Théo. Il y a de la place dans le coffre de la DeLorean, au pire, on la met dedans. Hein. Oui, non, il n'y a pas de place dans le coffre. Ah, merde. Tu te feras toute petite dans la boîte à gants. Comme un grain de maïs. Exact. Je pense au réglisse. Bon. Ça va. Là, on peut dire que là, ils sont quand même pas mal habillés. Mais par contre, ils puent la mort. Je pense qu'on devrait trouver le sens de la vie en allant dans le futur, peut-être. Dans le turfou, mais un truc du genre, je sais pas moi, par exemple, 2000. Allez, 2150. Non, moi je dis c'est parti. Ça tremblait. Non mais y'a rien là ici. T'es sûr que là c'est le futur? Ça? Je m'attendais à des immeubles, des voitures volantes, des robots qui pissent de la ferraille. Bah oui, on est bien en 2150, hein. T'as pris la DeLorean. Oh regardez, y'a un mec qui a l'air encore plus crade que le roi et les homo sapiens. Bonjour messieurs. Ouh. J'ai pas le temps, je dois échanger de l'eau à Isidroïde contre un NFT dans le métaverse. Allez demander à Mégastrine dans le champ avec les moutons là. Non, on y va. Mégastrine ? Bonjour, êtes-vous Oui, bon, bonjour, enfin, c'est pas vraiment moi, c'est mon hologramme, mais c'est pareil, qui êtes-vous Où voulez-vous? Que voulez-vous? Bah, nous recherchons un sens à la vie. Ah, carrément. Y a-t-il un sens à cette vie malheureuse? Vous savez, depuis le crash de 2023 et toutes les catastrophes écologiques qui ont suivi... Très dure année. Et qui ont supprimé les trois quarts des humains de la planète et la raréfaction des ressources, les humains ont arrêté d'espérer, hein, très franchement. Aujourd'hui, on se bat pour un légume quand il arrive à pousser par les 50 degrés dehors et on se réfugie dans un univers parallèle pour un monde meilleur. Mmh. Ou alors, on fait comme moi, on compte les moutons. Allez, venez, on les compte ensemble, les moutons. Ouais. Vous êtes des vrais gens ou des avatars? Des vrais gens. Ah ouais, vous osez sortir physiquement? Touche mes tétés pour voir si c'est des vrais. Pouette. Ah oui, effectivement, mais vous osez sortir physiquement avec toute cette radioactivité, vous êtes courageux. Hein. Oui, bah oui, on n'est pas radioactif. Même pas peur. Très bien, alors ces moutons. C'est drôle ça. J'ai deux séries de 5 plus 24. 24 plus 5, ça fait 29. J'ai 34. 50 et 28. 34, c'est la bonne réponse. Bah oui, mais... J'ai 34. Alors, 34, pas. Maintenant j'ai 13... J'en compte 7 là-bas et les deux du bout. 22, d'accord. Oula ! Ah ben là, il y en a 24. Ah non, 22 plus les 6 du côté plus les 3 à gauche. 30, quoi que j'ai 31. L'impression. Ah, attendez, j'ai l'impression que 2 sont morts. On peut les enlever. 29. 29, d'accord. Oh, là, ils sont nombreux. Attendez, j'en ai 5 plus 8 plus 9 là-bas. Oh là là, plus 12. Plus 2 x 6. Oh, oh là là là là, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. 34. Là, je suis perdu. 2 x 6, t'as dit? Oui, tout à fait. 12. 50, 60. Oh, je pense pas qu'il y en ait autant. Est-ce que vous pouvez nous redire le... Alors, il y en avait 5 plus 8 plus 9 plus 12 plus 2 x 6. 22, ça fait plus 12, 22 plus 12. Oh. Attendez, il resterait peu 36. De temps là. 36, 50, non? Attends, 24, 33, 33 plus 8, 41. Bah 48. Ça faisait... 46. Ah, 46, ah oui, c'est ça, c'est la bonne réponse, 46. Oh, on était à un doigt près. Je sais, j'ai mal compté, moi. Et là, ils se sont rangés tout seuls, là, on dirait. C'est marrant, hein, regardez là. Regardez, c'est marrant qu'ils se sont rangés. Ouais. Alors, on peut faire du 3 x 7. Putain. Moins 1 pour la troisième rangée, quand même. Attends, 3 x 7, 21, c'est ça? Ouais, moins 1 pour la troisième rangée. Ça fait 20. Plus 2 x 8 là-bas. Hein. 20 plus 36. Ah, il y en a encore 3 là-bas, regardez. 37, 39. Regardez, 1, 3. Oui. Ok, ça fait combien? Et 1 demi là-bas, parce que c'est un agneau. Hein. 39,5. Non, ça faisait. Vous êtes sûr de vous là? Oui. 40. Un près 38,5. 40,5. Ah, c'est 40. Oui, 40,5. Ouais. Alors, l'ordi me dit qu'en tout ça fait 171. C'est possible. Ah, c'est super. Hein. Je mets ça dans mon inventaire et je peux passer au niveau 22. Ah là là, ils étaient réels quand même, ces moutons. Vous avez vu, hein, on aurait dit des vrais. Ouais, ça devait être bien. C'est incroyable. Le temps où ils existaient, là, on peut en faire on pouvait en faire des barbecues. J'imagine déjà la bonne odeur qu'il pouvait y avoir. On leur aurait donné plus d'attention et de considération, on pourrait encore se faire des pulls en laine pour les hivers à moins 60 qu'on a. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, on les a tous exterminés. Bon, c'est la vie, pas le paradis, comme dirait Zazie. Moi, je vous dis à plus dans le métaverse, hein, les amis. Hein. À plus dans le bus. À plus. Dans le bus. Mais non, ça n'existe plus, ça. On a inventé. on a arrêté de faire des voitures en l'an 2050. Elle est plus tard dans le car. Ah, ok. Non, à bientôt dans le métro. À bientôt dans le métro. Non plus. Ah, voilà, j'ai... À plus ma puce. Ah oui, ça marche. La bise à Denise. Myler prend la DeLorean. Quoi? On prend la DeLorean. Voiture. Hein, c'est reparti. Oui, pour? Bah, pour aller voir... Michel. Pour aller voir Michel. Pour donner nos conclusions, bien sûr, sur tout ce qu'on a trouvé. Donc là, on va remonter en voiture. Jolan, oui. Vite. Traîne pas, sinon je te laisse ici, j'en ai rien à foutre. Allez, je mets 2022. La Creuse, ça va pas manquer. C'est quoi le nom du bled déjà, Anaïs? Châtelaire. Bon, bah, comment on va trouver Michel? C'est facile, ils sont 30, hein. Franchement, ils doivent être tous dans la même famille, en plus. T'as qu'à demander à ce paysan, là-bas. Bonjour, monsieur, vous connaissez Michel? C'est moi, Michel Mafouet. Ah, c'est vous, le philosophe? Ah non, c'est pas le Michel qui pense, moi, c'est le Michel qui travaille. Vous le trouverez dans la petite piole, là, au fond de la rue, là, à droite, ma foi. Putain, vous êtes 30 et vous arrivez à avoir deux fois le même prénom? Eh ben, il y a beaucoup de Michel ici. Ah, oh, ils s'appellent tous Michel. Moi, je dis, on va voir. Bonjour, vous êtes Michel? Ah oui, c'est Michel. Je suis contente de voir des femmes à Châtelard. Parce que, vous savez, je suis la seule femme ici et c'est pas facile tous les jours. Oh, ma pauvre. Disons que tous mes trous sont bien débouchés, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous n'avez pas besoin de desktop pour que ça passe, hein? Ah, peut-être. Vous cherchez quelqu'un? On cherche Michel. Ah, Michel, oui, on l'a enfermé dans la cave, il nous saoulait, mais je vais vous le chercher. Ce serait fort aimable. Michel! Michel, il y a des invités pour vous. Voilà, Michel. Bonjour, c'est Michel. Vous êtes les Actus Solites? C'est ça. Oh, alors j'avoue que je vous imaginais plus beau, mais enfin, c'est pas grave. Est-ce que vous avez les éléments... Bon, je le dira pas. ...de réponse à ma question, quel est le sens de la vie? Partage, transmettre, donner. Le partage? La transmission et le donnage. intéressant. Le partage, transmission... Et la donation. Et donner, ouais. mais dites-moi, est-ce que si on n'y réfléchit pas, c'est pas un peu ce que vous faites tous les mercredis soirs sur Indestar? Bah, tu sais très bien, c'est ce que j'allais dire, je voulais en arriver là. Partager des moments de la vie, transmettre et donner de la joie, de la bonne humeur, voire même quelques connaissances. Bah, je pense qu'on peut vous dire merci. Ben, je vous en prie. Vous avez trouvé le sens de la vie et je vais pouvoir écrire un roman et me faire du fric sur votre dos. Mais en plus de ça, je me dis que quelque part, vous êtes le sens de la vie. Merci. Oh, quel homme mignon, ça fait des Michel. On y va parce que Michel, il va pleurer, hein, je crois. Non, on va pleurer avant. On va rejoindre Théo quand même. C'est gagné, les copains. Ouais. C'est gagné. On a fait une super descente sur le super toboggan. C'est gagné. Les bébés oiseaux ont retrouvé leur chemin. Ouais. C'est la jungle en faisant des super bons. Ah, ça c'était la semaine dernière, ça. Oui. C'est gagné. Eh bien, wow. Pour une dernière de la saison, vous avez encore assuré, vous avez trouvé le sens de la vie, le partage, la transmission. Donnez-moi. Donnez-moi de la moulingue. Ah non, je pense que c'est pas ça. Donnez-moi. Tu vois, Dieu vous le rendra. Puis Dieu vous le rendra aussi. Ah là là, et on arrive à la fin de ce moment épique qui était l'émission Actu Solite et cette enquête qui nous a mené à ça ce soir, encore une fois. Ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière. C'est vrai que ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière. Pour moi, on se revoit la semaine prochaine. Eh oui. Surtout la semaine prochaine, je vais vous envoyer un message en mode putain, manez votre cul là, je vous attends, les gars. C'est ça, tu seras devant la radio. Tiens, je comprends pas, il y a personne. Ça fait 3 heures que je pourrais battre. Bon, c'était chouette. Ouais. C'était chouette. C'était encore une émission chouette. Terminée. Eh oui. Et pas n'importe quelle émission, puisque c'est la dernière émission de l'année. Et en plus, je suis contente parce qu'on finit vraiment à 5. Oui. Parce qu'on a eu quelques galères et tout en cours d'émission, parce que forcément, on a perdu Antoine, on a perdu Jolane, on s'est retrouvés à 3. Ouais. Et là, enfin, on finit à 5. Et je rappelle que quand on a perdu Antoine, il y a un hommage qui est disponible sur la chaîne. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Antoine dans une église. Mais Antoine n'est pas mort, il est toujours vivant. Toujours debout. Voilà, toujours debout. Malgré l'alcool, il est toujours là. Je suis contente d'avoir dit sa petite phrase, il regarde tout le monde en mode... Mais oui. Et que t'as, moi. J'aime bien le lancer sur ce genre de sujet. Et sinon, si vous voulez juste décrire l'émission en un mot, ce serait quoi? Déconnade. Ouais, ouais, c'est pas mal, déconnade. Moi, j'aime bien le mot défouloir, en fait, qui est dans le podcast dans et que. Ou tu vois, moi, j'aurais trouvé déconnade ou je sais pas si c'est péjoratif, mais simpliste, genre. Mais je sais pas comment expliquer. T'as vu les enquêtes là? T'appelles ça Saint-Blaise que là? Non mais. T'as vu mon question point? Non mais. Non mais le prenez pas mal, bordel! Mais Saint-Blaise là! Il y a des émissions genre on fait pas de la politique, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vrai qu'on fait pas la politique. Si on prend cet exemple là, si tu veux, c'est beaucoup moins complexe. Moi, on ne se prend pas la tête. C'est ce que je voulais dire dans le mot simple. Tu te tâtes! D'accord. Si je devais dire un mot. Mot. C'est plutôt. Il est c'est con. Plutôt un comment on dit un sentiment ouais. De bonheur. Sentiment de bonheur. Non, on s'en fait trop. Santé, bonheur. Non, c'est la... mignon. Et bonne année. Moi, je dirais le mot bulle. Bulle comme ah oui. Parce que quand on est ici, en fait, on est tous dans notre bulle. On est dans notre et bulle. On s'en bat les couilles de tout ce qui se passe ouais. À l'extérieur. Il peut y avoir un cataclysme. Il peut y avoir un crash dans la rue d'à côté. Une tornade. S'en bat les couilles. On s'en fout, un virus, corona. Quelque... On est dans notre monde. On est dans notre monde, on est dans notre bulle. Et on s'éclate comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça on peut pas plaire à tout le monde, mais ça plaît à nous. Voilà. C'est l'important, on peut. Ça, c'est le. Tu sais, c'est un des sens de la vie aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde, faut le savoir. Oui. Mmh. Puis voilà. Vaut mieux perdre. Il vaut mieux plaire à personne que n'importe qui. C'est vrai. Mais il vaut mieux plaire à des gens quand même, quand on fait de la radio. Oui, c'est mais, sûr. Mais on espère que ça vous a plu en tous les cas. On espère que vous avez passé des bons moments avec nous cette nous, année, cette saison. Passé. Nous, on les a passés. On s'est marrés. Voilà. On s'est passé. Quand j'y repense, c'est passé tellement vite. Ah bah, normal, il a fait 3 épisodes. Déjà. Alors, 3 épisodes. T'exagères quand même. Oui, on exagère un petit peu quand même. Certes, je suis parti à. Quoi, quelques semaines après Antoine, je plusieurs crois. Ouais, bah, il y a plusieurs mais mois. Il est parti 2 semaines après moi. Ouais, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non, mais on et a bah, la moi, chance. Qu'on a géré et on a eu la chance d'avoir beaucoup d'invités cette année. On a eu plein de gens qui sont venus, on a fait plein de délires ensemble, on a partagé des moments avec vous et vous allez d'ailleurs pouvoir réécouter toutes les émissions si vous ennuyez durant l'été, puisque tout est disponible en podcast, donc ça permet de garder une trace quelque part. C'est notre petite trace dans l'histoire, tu vois. C'est ça. Et peut-être qu'à la rentrée, il y aura des surprises, il y aura des émissions, il y aura des choses qui vont se passer, mais pour le moment, profitez des vacances parce que les vacances arrivent. Mmh. Là il fait beau. À la semaine prochaine. On nous parle d'un regain de virus bidule là, ouais. Donc on s'en fout, profitez-en. Non mais vraiment faites attention à vous, protégez-vous. Alors oui, protégez-vous mais surtout profitez oui, parce ouais, que ça fait ça. Quand même 2 ans les ouais. Amis que on peut pas profiter parce que il y a tout un tas de merde dehors. Là si on peut avoir quelques tu vois là ça va être les vacances, il y a du soleil et des nanas darla darla dada. Donc profitez-en pour faire la fête, profitez-en pour vous éclater tout en faisant attention si vous prenez les transports en commun, que vous êtes nombreux à la porter un masque, mais sinon oui, faites attention, mais ça doit pas vous empêcher d'en profiter quoi. Exactement. La vie elle est courte, elle peut s'arrêter la à la vie tout est moment. Trop courte. Vous avez entendu la 2150 là en 2023 pardon, c'est l'année prochaine hein. Radioactive. 2023, il y a plein de cataclysmes qui vont se passer. Donc, s'il nous reste qu'un an à vivre, profitons-en, tu vois. Voilà, c'est ça. Il y avait un animateur radio dans les années 2000 qui disait parce que chaque jour compte. C'est et vrai. Je pense que c'est important. C'est vrai. C'est beau, hein. C'est beau. Limite, j'ai envie de me le tatouer. Parce que chaque jour compte. Tu me feras penser à le tatouer. Oh, j'ai vu. Carpe diem, profite du jour présent. Ouais, alors, c'est ça. Moi, j'avais vu aussi, si on parle de citation, la citation de The King. Comment il s'appelle Elvis Presley. Dis-nous juste la citation. Ah, Elvis Presley, oui. Genre c'était un truc du style n'attends pas demain si demain ne vient jamais. Genre ouais. Un truc dans le genre tu vois. C'est bien aussi. J'ai trouvé ça. C'est non mais c'est dans le même truc. Profiter ouais. De chaque jour qui passe. Exactement. Et de chaque moment de la vie. Sur ces belles. Fais de ta vie un rêve et d'une rêve une réalité. Ouais. Je ne sais que dire parce qu'en fait j'aimerais quand même vous remercier pour cette saison parce que oui on a passé des bons moments tous ensemble etc et je voulais vous remercier de votre implication dans cette émission tous autant que vous êtes. Alors Jolan, si tu peux arrêter de régler ton micro. Je me suis fait agresser à l'instant par contre. Non mais voilà, Antoine, tu t'es donné beaucoup dans cette émission. Ouais. Tu as déménagé, bah, c'est la vie. Voilà, voilà. Vers d'autres horizons pour aller travailler, pour aller taffer, pour découvrir le monde du travail quelque part. Oui, c'est ça. Un peu plus que 2 heures par semaine. et Amel et Anaïs, vous étiez à fond cette année et c'était super chouette. Anaïs, je te l'ai dit tout à l'heure en antenne, mais je peux le dire à l'antenne, tu as vachement bien géré toute la réal, tous les jingles que vous entendez, les musiques de fond, etc. C'est les Anaïs. Les ratés aussi, il y en mais a forcément. Mais c'est super rigolé. Mais en même temps, quand on ne fait rien, on n'a pas de raté, tu bah, vois. C'est ça. Voilà. Et tout ce que vous entendez, c'est Anaïs qui les balance, c'est pour ça qu'on s'immerge dans une ambiance et Amel pour ta bonne humeur, ta joie, ton franc-parler, ton improvisation, enfin bon, bref, tout ce qui fait toi finalement. Ta grosse gueule. Ta grande gueule. On t'aime bien comme tu es, voilà. Et puis toi aussi, merci à toi. Bah merci, non mais parce c'est que un plaisir. C'est grâce, si on en est là, c'est grâce à toi. Oui, c'est grâce à vous. Oui, surtout. Mais c'est toi qui étais là pour nous dire ce qui allait, ce qui allait ouais. Pas. Vous êtes un peu mes passe. Enfants. Des enfants qui ont grandi, tu vois, et qui ont pris finalement leur liberté. Leur liberté, qui ont volé non, de leurs propres ailes. Et cette année, vous avez vraiment volé de vos propres ailes. Restons juste un peu amis. Genre, pas enfant, papa, c'est un peu malsain, mais ami, ça peut faire. Que... Appelez-moi papa. Je suis ton père. Je suis ton père. Non, c'était cool. Bon, bref, on va pas en faire toute une Anaïs. On va vous laisser sur une note bien positive. Ouais, chose le karaoké de l'année, tous les ans, on vous le balance au moins 4 ou 6 fois. Ouais, parce qu'on aime l'été, on aime Ricoune, on aime la Beaufruit et on aime chanter, même si on chante mal. C'est ça. On met Ricoune, c'est l'été, comme la semaine dernière. Finalement. Et on vous laisse, on vous souhaite une belle. Non, on peut le dire maintenant ou pas? Ou c'est après? Oui, on est au milieu de semaine. On vous souhaite un bel été. Oui, oui, c'est vrai, on vous souhaite un bel été. Profitez-en. Prenez soin de vous et éclatez-vous. Hey, c'est l'été! Allez, on le chante, Jojo. C'est ton moment. Le soleil qui chauffe sur le toit de ma Clio. Coincé dans les bouchons, c'est comme si on jouait en fourreau. J'ai la gueule en poussière et la langue en feutrine. Dans moins d'une heure, j'espère que j'arriverai au camping. Remplacement 69 comme les autres années. Au Lafond, voisin hollandais a déjà débarqué. On chante, on lit des blagues, tout le monde se marre. À la fin du repos, moi je sors ma guitare. C'est l'été, sur 6 perquettes à mouler. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou béné sorbet. C'est l'été, on a crème et bien bronzé. Hey, c'est pas fini. C'est les Actus Solides. C'était Actus Solides. Tout au long de cette année, on vous a fait kiffer. Au concours de pétanque, on a pris la famille. Pour amuser les dames, on jouait comme des jackies. J'ai dû pointer trop fort, le bouchon s'est noyé. On l'a cherché partout mais on l'a jamais retrouvé. On l'a fermé le feu à la soirée disco. Sur la piste de danse on aurait dit John Travolta. On lui a pris les pas, danser la crapola. Du coup il a payé une tournée de tequila. C'est l'été, saucisse merguez taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Ouh. La Clio est chargée, ça penche à l'arrière. La plage c'est fini, il faut retourner dans les terres. On a pris des photos avant de s'embrasser. Dans le rétroviseur j'ai vu mes amis s'éloigner. Mais c'est pas grave parce que c'est l'été, saucisse merguez taboulée. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, saucisse merguez taboulée. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Oh toi mon ami du bout du monde, cesse donc de te faire du souci. Les femmes sont splendides, la vie est belle. Attrape ton verre et viens trinquer. C'est l'été, saucisse merguez taboulée. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Parce que c'est l'été, saucisse merguez taboulée. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, saucisse merguez taboulée. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Merci beaucoup. C'était les Actus Solides. Ciao, ciao. Ciao. Des bisous. Des bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.